bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode numéro 49. Grosse ambiance dans le studio après ce morceau de métal incroyable. Donc on écoutait le groupe Accept nous chanter TV War, morceau extrait de l'album Russian Roulette, hein. Évidemment. Évidemment tiré de l'épisode de Buffy qu'on va commenter aujourd'hui. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode No Place Like Home. Donc, je suis Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. Je suis accompagné de Riley Finn. Comment ça va, Riley ? Bonsoir, Sartman. Salut. Va bien ? Impeccable. Moi, je suis en pleine forme, en pleine santé. Pas de symptômes. Hein. Aucun symptôme. Très bien. Les gens présents ici n'ont pas le droit d'avoir des symptômes. On est bien d'accord. Nous avons un invité, Fred. Comment ça va ? Salut. Bah, ça va. Toujours pas de symptômes non plus ? Rien du tout. Ok. Salut Fred. Salut. On cherche à connaître l'état de positivité ou pas des gens présents, parce que Clément, lui, n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là, Riley ? Dites-nous. Parce qu'il a les symptômes. Il a les symptômes. Et quand t'as les symptômes, bah, tu viens pas au podcast. Au podcast, c'est une règle énoncée par Jean Castex hier. Il est en train de faire la queue pour se faire tester, en fait, plus exactement. Donc ça m'a l'air d'être une histoire véridique, hein. C'est pas une excuse pour se regarder The Mandalorian en boucle. Hein, je crois qu'il les a déjà vus. Bon, ça passe. Ça passe pour cette fois. On fait évidemment un gros bisou à Clément. Soigne-toi bien. Donc, Fred, notre invité, tu es le créateur du blog et des podcasts My Screens, sur lequel tu parles de ciné, de séries, de comics. Exactement. Évidemment, tu es fan de Buffy aussi. Évidemment. Voilà. Évidemment, d'ailleurs, l'un des premiers numéros du podcast que j'avais fait, c'était sur Buffy. Tout à fait. J'avais eu l'honneur d'y participer. On en avait parlé ici et c'est toujours en ligne, on peut retrouver bien sûr. Podcast. Le sommaire, de quoi on va parler, Riley, aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons faire d'abord des gros bisous, bien sûr, comme d'habitude. Puis ce sera la rubrique Actu par l'incroyable Big Game, en direct de l'Est, bien sûr. Ensuite, nous verrons ensemble les commentaires audio de l'épisode No Place Like Home, Sœur Ennemie en VF, l'épisode 5 de la saison 5. Ce sera l'occasion de parler du foyer, hein, bien sûr, de la famille, de la propriété privée, de Glory, évidemment, mais aussi de Dawn, Riley, Tonton Jice, qui se lance comme commerçant, hein, c'est une très bonne scène, et d'ailleurs un commerce qui est considéré comme essentiel à Sunnydale, contrairement à certains commerces d'ici. Et ensuite, on parlera d'effets spéciaux, de montage et évidemment de portes, hein, comme d'habitude. Je vous rappelle le principe du podcast, nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast existe un peu partout sur les internets, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, bah vous nous le dites et on se charge de le mettre. Vous pouvez également nous retrouver en passant par notre blog où il y a toutes les adresses, tous les liens, pourquoibuffycestgenial.wordpress.com, et vous pouvez même passer par nos sites partenaires Buffy Angel Show, groupe13.fr et bonustracks-podcast.com. Un tout nouveau label, hein, tout à fait, dont nous faisons partie. Riley, tu peux nous en dire deux mots de Bonus Tracks ? Eh bien, c'est un label de podcast qui réunit une quinzaine de podcasts qui ont comme point commun la pop culture. On en profite d'ailleurs pour en faire des gros bisous. D'ailleurs, c'est la rubrique des gros bisous. Et c'est tout de suite la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her yeah, and raise you a yeah. She bathed you? Nothing can defeat the penis! Oui, les gros bisous. Riley, est-ce que vous aviez des gros bisous? Oui, bah déjà, je voulais faire des gros bisous au chat. Hein. Il y a plein de gens avec nous cet après-midi, là. Ça fait plaisir. Gros bisous Lenny, Chacha, Rin Momo, Clem et Jabba. Il y a Master Fish qui est arrivé aussi. Bon, gros bisous à tous, merci d'être là. Je voulais aussi faire des gros bisous à Jordi qui écoute petit à petit nos podcasts et ça fait plaisir. Fred, est-ce que vous aviez des gros bisous ? J'en ai pas préparé, mais je peux faire des gros bisous à Sarah, Alexa et Julie qui étaient avec moi au marathon Buffy qui avait eu à la Cinémathèque. Ah oui, du coup, mais oui, on y était. Superbe journée, inoubliable. Moi, je voulais faire des gros bisous à tous les spectateurs de ma web-série, parce que figurez-vous que j'ai fait une web-série qui a été mise en ligne le mois dernier. Ça s'appelle Super Loin, c'est de la SF avec des blagues. Je me suis permis d'en parler sur les réseaux de pourquoi Buffy c'est génial, bien que ça n'ait aucun rapport avec Buffy. Et quelques-uns d'entre vous, hein, chers auditeurs, ont découvert la série et m'ont même adressé de très sympathiques messages ou commentaires YouTube. Donc c'est adorable à vous, merci cette communauté des auditeurs de Pourquoi Buffy c'est génial ne cesse de nous étonner par sa gentillesse. Et donc pour ceux qui auraient loupé cette info incroyable, il y aura évidemment le lien dans la description du podcast. Donc un gros bisou à tous les spectateurs et aux futurs spectateurs de cette web-série. Et aussi, oui, à Riley et Clément qui m'ont aidé dans cette aventure évidemment. À réaliser cette série. Fidèle au poste. On n'a pas de gros bisous. iTunes, on fait trop de podcasts, Riley. On va trop vite. Les gens n'ont pas le temps de nous mettre 5 étoiles. Mais je crois qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore mis 5 étoiles sur nous. Alors on vous laisse un peu de temps. On refera un autre podcast en 2021. Donc ça vous laisse du temps pour nous mettre 5 étoiles. N'hésitez pas. En attendant, on va passer à la rubrique Actu. Ah. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, right here. Over here, quick photo, please. Wait a shot. Another one. Miles, that's the prophecy. 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Toute l'actualité de Buffy et les dérivés par Big M. C'est parti. Eh bien bonjour à tout le monde, c'est moi Big M pour la rubrique Actu de Pourquoi Buffy c'est génial. Peu d'actu pour ce numéro, mais je suis tout de même au rapport. Il y a quelques semaines, Joss Whedon a officiellement annoncé qu'il se retire de son projet The Nevers, dont on vous avait parlé il y a quelques temps. Selon ses propres dires, Whedon est tout bonnement épuisé, et ce particulièrement face à cette année compliquée pour tous, et souhaite à présent investir son énergie dans sa vie privée. La série, quant à elle, est toutefois bien maintenue et doit voir le jour en été 2021. Et nous avons des nouvelles annonces pour la convention française Back to Sunnydale par Big Bad Convention. En effet, on nous a révélé le lieu ainsi qu'un guest supplémentaire. Le tout se tiendra donc officiellement à l'hôtel Pullman à Paris-Roissy Charles de Gaulle et ça se passe les 22 et 23 mai 2021. N'hésitez pas à réserver vos places sur la billetterie du site bigbadconvention.com. On vous rappelle la guest list d'ores et déjà totalement incroyable. Vous pourrez rencontrer Elizabeth Ann Allen, l'actrice qui incarnait Amy la sorcière, ainsi que la superbe Claire Kramer, notre déesse maléfique préférée. Mais aussi le scénariste et producteur David Greenwalt, ce qui est quand même assez fou et certainement hyper intéressant. Greenwalt est en quelque sorte le papa du spin-off de Buffy. Oui, on peut effectivement dire qu'il est à Angel, ce que Joss Whedon est à Buffy. Et le dernier guest en date n'est autre que le comédien Troy Blendell. Blendell sera présent à l'événement le dimanche uniquement, mais ce sera l'occasion pour le laquais numéro 1 de Glory de retrouver Claire Kramer. D'ailleurs, en parlant de Glory, ne serait-ce pas là le sujet de notre émission d'aujourd'hui? Qu'en dites-vous les gars? Incroyable, merci Big M pour cette rubrique actu incroyable, cool. Et oui, Glory en vrai. Ça va être génial, ça va être génial. Big Bad Convention. Donc en mai, vous savez ce qu'il vous reste à faire, prenez vos billets pour voir Glory et David Greenwalt. Mais oui, David Greenwalt, ça va être vraiment génial. Voilà, il faut absolument être là-bas. On essaiera d'y être, hein, on essaiera de pas être malade. Grave, non, on sera pas malade. Mais rencontrer un scénariste, ça fait... Il y aura le vaccin d'ici là. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais rencontrer un scénariste de Buffy, c'est ouf. Et maintenant, passons à l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mix in a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Épisode du jour. Donc, épisode 5 de la saison 5. De mémoire, ouais. Oui. No Place Like Home. Sœurs ennemies en VF. D'accord. Épisode donc diffusé pour la première fois le 24 octobre 2000. Dis-nous par qui il a été écrit et réalisé, mon petit. Écrit par Doug Petrie, qui a quand même écrit 17 épisodes de Buffy. On a déjà parlé de lui. Il a surtout fait des épisodes comme Two to Go, Bad Girls, excellent. Un très bon scénariste de Buffy. Et il a aussi fait deux épisodes d'Angel au passage. Et info importante sur Doug Petrie. Il est aujourd'hui scénariste sur The Nevers, la série que Joss Whedon ne fera pas, finalement. C'est formidable. Vous avez vu passer cette news, bah, comme en parlait Big Game, d'ailleurs. La relève est assurée, du coup. Ouais, Doug Petrie, c'est un bon scénariste. Je sais pas, du coup, si c'est pas lui qui va devenir le showrunner du truc, parce que c'est déjà en tournage, donc ça continue sans Joss. Bon, on verra. Mais pourquoi pas, Doug Petrie, c'est un bon... On va le voir tout de suite. Et David Solomon, lui aussi, c'est un réalisateur de Buffy dont on a déjà parlé. Il a fait 19 épisodes. Notamment Buffy contre Dracula, Leeson's Afterlife, Beer Bad qu'on a déjà commenté. Donc un réalisateur solide. Moi je voulais faire un point. Ah bah non, avant le point sur les titres, est-ce que vous auriez un petit pitch, Riley? Ah, j'ai préparé un petit pitch, évidemment. Pa-da-pa-pa-pa. Bienvenue dans la Magic Box, votre nouvelle boutique de magie à Sunnydale. Eau bénite, tablette runique, bougie à l'essence de limace. Découvrez nos marchandises extraordinaires venues du monde entier. Vous serez accueillis chaleureusement par le plus grand expert de toute la Californie, Monsieur Rupert Giles, dit Tonton Giles. Si vous avez des problèmes avec une déesse du nom de Glory, si vous avez découvert que votre sœur est en fait une clé qui ouvre des portes vers d'autres dimensions, ne vous inquiétez pas, nous vous conseillerons pour tous vos problèmes surnaturels. La boutique est ouverte du lundi au jeudi de 10h à 21h, le vendredi et samedi en matinée et fermée le dimanche. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter le téléphone 805-555-8966. A très vite dans la Magic Box. Pa-la-pa-pa-pa. Ça, c'est du pitch. Putain. Bah, génial. Bravo. Voilà. Vous avez évidemment compris tout ce qui se passait dans l'épisode. Super pitch. Un peu long, par contre. Ouais. Non, faut rien changer. J'ai eu du mal à m'en mettre. Non, c'était super. Oui, on a tout compris, bravo. Au niveau des titres... Ah oui, plus important les titres. Parlons des titres, parce que là, c'était n'importe quoi. On parle régulièrement des traductions approximatives des titres originaux dans notre cher VF. Pour cet épisode, sur le magnifique site Wikia Buffy, là, je sais plus comment il s'appelle, j'ai trouvé plein de titres étrangers de cet épisode qui nous font comprendre que en fait dans plein de pays les titres originaux sont beaucoup plus respectés qu'en France. Donc pour rappel, le titre s'appelle No Place Like Home, pas d'endroit aussi bien que chez soi, en fait, en gros on est bien que chez soi, un truc comme ça. Eh bien, on constate que dans d'autres langues, par exemple en tchèque, l'épisode va s'appeler, alors je vais vous épargner ma prononciation du tchèque, mais la traduction, ça serait « On est bien partout, mais à la maison, c'est là qu'on est le mieux ». En finnois, ça serait mon foyer est précieux comme de l'or. En hongrois... « Autant tchak et gynak ». Et donc, il veut dire, en hongrois... Bah, il n'y a qu'un seul, la maison est unique, ou un truc comme ça. Un truc comme ça. En italien, c'est Home Sweet Home. Et les deux pays nuls, qui traduisent n'importe comment. Traduisent n'importe comment, bah, justement, c'est la France et l'Allemagne. Parce qu'en France, donc, pour rappel, ça a été traduit Sœurs Ennemies, rien à voir. Bah, pendant deux scènes, ouais, elles sont un peu. Ouais. Mais est-ce que c'est pas pour se différencier d'une version québécoise? Alors, j'ai pas le titre québécois, faudrait fouiller les internets. Et ouais, et en allemand, donc c'est Sein und Schein, voilà, très mauvaise prononciation, qui est donc réalité et illusion en français. Alors, BM dit que ça veut dire être et paraître. Ouais, donc nul, rien à voir avec le foyer. Non, c'est oui, absolument rien à voir. Donc voilà, on est. C'est on est... pire qu'en français, finalement. Et donc oui, donc cet épisode, on l'a dit répété, s'appelle no Place Like Home, une expression donc très courante en langue anglaise, qui veut dire en gros qu'on n'est jamais mieux que chez soi. C'est une expression qu'on retrouve dans plein d'œuvres, mais j'envisage de vous dire deux mots sur la référence la plus importante, je pense, de ce titre, c'est Le Magicien d'Oz. Donc c'est un livre, puis un film de 1939, dans lequel une petite fille se perd dans un pays imaginaire. Avant de finalement rentrer chez elle et se rendre compte que finalement chez elle c'est bien, alors qu'au début de l'histoire, Elle voulait partir. Absolument. Elle voulait partir parce qu'elle est entourée d'adultes qu'elle dérangeait. Les adultes voulaient qu'elle se casse et donc elle se cassait, mais finalement elle est bien contente de les retrouver, ces adultes, et les adultes aussi sont bien contents de la retrouver à la fin. Et à la toute fin, pour sortir de ce monde imaginaire où elle a fait plein d'aventures avec l'homme de paille, le lion et l'homme de fer, elle doit répéter un milliard de fois « There's no place like home », et c'est même aussi comme ça que se termine le film. La morale est très simple, le foyer, la maison, c'est pas forcément un endroit en particulier, mais c'est là où on se retrouve entouré de ses proches. Et bim, c'est exactement ce que veut nous dire cet épisode. Est-ce qu'on n'a pas envie de lancer cet épisode, messieurs ? Il serait temps, parce que le podcast a commencé il y a 2h30. On va lancer... Il faut que les gens se préparent à la maison. Préparez-vous. Alors chez vous, préparez-vous. Munissez-vous de votre télécommande, de votre souris. Ariel, je vais te laisser faire le décompte. Est-ce que t'es prêt à ça ? Ok. Fred, vous êtes prêt ? 3. Chez vous, vous êtes prêt ? 2. Oh là là, Internet est prêt ? 1. Big Game, t'es prêt ? Top. Top, c'est parti. Il a dit top. L'épisode est lancé et on commence avec un Previously. Un Previously complètement génial. Il se passe plein de choses. Jace qui achète la Magic Box. Dawn qui débarque de nulle part. Riley pas trop en forme. Et Spike qui soudain se réveille amoureux de la tueuse. C'est complètement fou. Ouais. C'est complètement fou cette histoire. Des choses à ajouter sur ce Previously, messieurs ? Bah, il se passe des choses depuis ce début de saison 5. On rappelle qu'on est au l'épisode 5. Ouais, il s'est passé 4 épisodes dingo. Si, dingo, ouais, c'est les meilleurs épisodes. Après, il y a un ventre mou ensuite. Bon, on en reparlera une autre fois. Mais ouais, le début, c'est quand même 4 épisodes d'introduction à la saison qui sont un peu longs. Mais on va en reparler après. Mais je trouve qu'il place plein de choses et que du coup, ça va exploser à la fin de saison. Mais ça peut être un peu long. C'est parti, les moines qui courent. Et on arrive, oui, avec des moines tchèques. Hein, toujours le tchèque. Moins cher. Ouais. Il y a plein de questions en suspens, hein, on l'a vu avec ce Previously, et auxquelles on va pas avoir de réponse tout de suite, et là même des nouvelles interrogations, parce qu'on se retrouve dans cet endroit de tout le monde se go il y a 2 mois. Là c'est peut-être un début d'indice sur une explication. Il y a 2 mois, Dawn est arrivé. Parce qu'il y a 2 mois, voilà, il s'est passé un truc complètement what the fuck dans la série. La cinquième saison qu'on reprenait, et il y avait une nouvelle arrivée, Dawn, à la fin de l'épisode 1 et de la saison 5. Et surtout, tout le monde faisait comme si c'était normal, comme si elle avait toujours été là. C'est ça qui était. Exactement. Perturbant. Donc c'est irrité le public dès le début d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il a peut-être. On va le découvrir dans cet épisode, mais. Il n'a pas attendu non plus trop d'épisodes avant de donner des explications. Parce que ces fameux moines à sandales qui courent partout se lancent dans un tour de magie. Ils parlent en tchèque. Alors pour les aficionados de cette langue, il se trouve que c'est pas des vrais tchèques. Il y a des accents russes et des accents anglais un peu trop marqués apparemment. Et nous arrivons à Priorité direct. Sunnydale dans le temps présent. Et bim, comme rien, il n'y a jamais rien d'anodin dans Buffy, on arrive sur une pancarte « Private property, no trespassing, violators will be prosecuted ». En gros, propriété privée. Ne passez pas, quoi. Oui, voilà. Interdiction de passer. Et c'est super important, cette pancarte, parce qu'il y a de la bagarre autour de cette pancarte. Je vous rappelle, donc, le thème d'aujourd'hui, « Home », le foyer, l'espace personnel, la propriété privée. On va parler de ça aujourd'hui, et la pancarte nous parle de ça. Tout à fait. En gros, si tu veux pénétrer mon foyer, t'as intérêt à ce que je sois d'accord, sinon je te pète les dents ou je te poursuis. Là, c'est ce qui se passe avec Buffy. Alors, puis ils ont mis le premier plan de la séquence, c'est ce panneau. C'est ça, l'interdiction de rentrer chez soi. Et petite subtilité de la mise en scène des bagarres, on sait que les bastons sont intelligents dans Buffy. Le vampire Buffy reprend le dessus sur le combat qu'elle mène contre le vampire au moment où ce dernier passe la limite. Quand ils sont à l'extérieur de la limite de la grille et de la pancarte, c'est le vampire qui a le dessus. Quand il passe de l'autre côté, c'est Buffy qui le fume, quoi. Buffy vient de trouver la carte de l'univers. Non, c'est une globule. Ah, pardon. Je crois que c'était une boule brillante. Une autre série, je confonds. Une boule brillante, donc la Dagon Sphere. Enfin, on en parlera plus tard. Et pour finir sur cette histoire de propriété, tout ça, voilà, les vampires, eux, ils aiment pas ça, les limites géographiques. Eux, ils veulent rentrer partout. Sauf que, on les empêche. Vous rappelez que c'est un vampire, s'il n'est pas invité dans un foyer, il n'a pas le droit de rentrer. Vous voyez, là, il a passé la limite de la grille et paf, il s'est fait désintégrer. Les vampires, c'est un peu des sales gauchistes. Hein, qui voudrait internationaliste, hein, qui voudrait aller partout, et les Américains, en Amérique, la propriété privée, c'est important. C'est vrai. C'est une des valeurs fondamentales de ce pays. Une dernière chose, bah là on est très très en retard parce qu'on est déjà dans le générique. Le t-shirt de ce vampire hein, qui se faisait défoncer par Buffy. Ah, c'était le t-shirt de. Il avait un t-shirt à l'effigie du groupe Accept, donc groupe de métal qu'on a écouté en générique début. Voilà. Et donc fin du générique, on arrive chez les Summers. Et là, Dawn fait une référence à Iron Chef. Tu sais ce que c'est Iron Chef, Fred, quoi, ça Fred, tu sais ce que c'est Iron Chef? Tout le monde connaît Iron Chef. Ah, Riley dit. Non, bon, alors j'ai découvert en fouillant sur les internets, et Iron Chef, c'est une chaîne, enfin, c'est une émission de télé-réalité, en gros, un concours de cuisine japonais qui était diffusé entre 93 et 2002. Ah, et okay. Donc c'était une sorte de concours. Ah, c'était le Top Chef, mais il y a 20 ans, quoi. Et bon, c'était la japonaise, évidemment, il y avait des présentateurs un peu excentriques. Et c'est surtout connu aux États-Unis parce qu'il y a eu un doublage américain de cette émission. Qui était diffusé sur une chaîne qui s'appelle Cooking Network ou un truc vraiment de cuisine. Et c'est pour ça que les Américains connaissent. Et évidemment, le doublage américain faisait des caisses sur le Japon. Ils comparaient les concours à des combats de kung-fu et tout. Enfin, c'était. Il y a quelques épisodes sur YouTube si vous êtes curieux. Mais c'est pas très très bien. Which means I get to worry about you two, which is a good thing because you're a vampire slayer. And you are my little pumpkin belly. Oh, Mom, that's like my kid name. So I can't be retro? Did you? Donc oui, dans cette scène de foyer, il y en aura plusieurs des scènes comme ça où les trois membres de la famille Summers sont toutes les trois ensemble dans la maison Summers. Donc on l'a dit, pour ceux qui n'ont pas l'image, Buffy, Joyce et Dawn. On voit un peu comment fonctionne cette famille et Buffy comme elle se comporte dans le Scooby Gang et dans la série veut être la leaduse, veut contrôler, veut chapeauter un peu tout ça, et Joyce le remarque et finit par lui dire je sais que t'es concerné, mais le sois pas, c'est moi, je suis toujours la maman. Buffy essaye de s'occuper de sa maman qui a Sauf un petit qu'elle souci est malade. Voilà, bah, c'est un plus qu'un petit sensé. Souci, mais là pareil, c'est ils mettent des graines pour ce qui arrivera bien plus tard dans la saison quand même. Et donc finalement pour décharger sa maman d'un travail, elle l'emmène Dawn à l'inauguration de la Magic Box. C'est une excellente scène là, priorité ouais. Directe. Buffy entre dans la Magic Box silencieuse et tombe sur Giles, donc qui est habillé. Il est prêt à recevoir le premier client. Et là c'est génial, il n'y a pas de dialogue, il sourit avec son chapeau de magie. Malaise. Ouais, bon, malaise, il va changer direct. Excellent. Ça, c'est très très bien. Un déguisement de sorcier, mais sorcier pour enfant, quoi. Sorcier de dessin animé, c'est pas crédible une seule seconde, quoi. Alors que Jai s'y fait. Et après, ce qui est très bon, c'est que Willow, en arrivant, va demander où est le chapeau de magicien. Parce qu'elle, elle voulait absolument qu'il l'ait. Mais c'est ça, c'est ce un truc que j'ai vu qui était dit par Yann de la chaîne Passion of the Nerd, hein, dont on vous a parlé plusieurs fois, qui fait des épisodes de YouTube sur des analyses de chaque épisode de Buffy. Et il le dit en parlant de ce moment-là, il dit pour Buffy, Giles n'a pas le droit d'être marrant. Giles, c'est la figure d'autorité. Dès qu'il essaye de faire d'être de la rigolade. Rappelez-vous l'épisode d'Halloween dans la saison 4 où il met un sombrero, tout ça, ouais. Où il a décoré son appartement. Buffy lui interdit d'être drôle, lui interdit de faire des écarts. Quoi. C'est normal, il est anglais. Voilà, il n'a pas le droit. Et c'est son père d'une certaine manière, donc c'est il ne peut pas être drôle. Pareil, quand il a une petite amie, il dit non, oh, c'est gros, c'est pas bien. Donc voilà, Giles doit avoir un espèce de pilier. Donc il doit rester. Pour Buffy, en tout cas. Pour Buffy, exactement. Et on peut aussi noter que le fait que cette ouverture de cette inauguration de la Magic Box soit placée pile dans l'épisode consacré au foyer, ça marque également quelque chose. Cette boutique va devenir pendant deux saisons une sorte de maison pour le Scooby Gang, comme l'était la bibliothèque durant les trois premières saisons. Ces deux endroits ont le point commun d'être à la fois le foyer de Buffy et ses amis, mais aussi un lieu public, un lieu de passage, donc d'élèves en ce qui concerne la bibliothèque, de clients en ce qui concerne la boutique, et surtout aussi de démons et de plein d'autres gens. Oui. Et si on voulait pousser la métaphore du foyer qui ressemblerait au groupe, on pourrait dire que du coup, en faisant d'un lieu public son foyer, le Scooby Gang est un peu un groupe ouvert sur le monde, ouvert sur les autres, et c'est qui vrai. Peut accepter plus facilement d'autres membres. D'ailleurs, c'est ce qui arrive dans l'épisode juste après, qui est Family, qu'on a déjà commenté, où Tara va rejoindre définitivement Le Scooby Gang, et ça se passe dans la Magic Box, l'acceptation justement et de Tara. Et ce sera affirmé, et, voilà. Ou quand Buffy va se mettre devant la, la famille de Tara, c'est exactement dans le même lieu. C'est et cool. C'est cool qu'ils aient un nouveau QG aussi, ça avait manqué quand même en, en saison 4. Depuis deux ans, ça va être le record de longévité d'un propriétaire de la Magic Box. C'est ça. En plus, oui. Bah avant qu'elle finisse, elle va être détruite, hein, comme, toute, comme à chaque fois, mais oui, oui. C'est effectivement ça. Là aussi, on rentre dans une phase de la série où Buffy va se mettre progressivement à s'occuper un peu plus, un peu moins d'elle-même et un peu plus de sa famille. D'abord, on s'occupe de sa mère dans cette saison, parce que sa mère est malade, tout ça. Puis après, de Dawn. Et enfin, dans la saison 7, de s'occuper de toutes ses autres petites sœurs, les potentielles. Mais là on, au tout début de cette évolution où Buffy s'occupe un peu moins d'elle et un peu plus des autres, et elle voit encore Dawn comme un caillou dans sa chaussure, hein, qui l'empêche de faire les choses comme elle a envie de le faire, inconsciemment ou au moins sans le savoir. Sait déjà, tu crois ? Bah, ou sans savoir pourquoi, elle voit Dawn comme une étrangère à son foyer. Exactement comme nous spectateurs, à ce moment-là, on ne sait pas du tout d'où vient cette personne et on l'a jamais vue en 4 ans de série, on comprend pas. Et Buffy vient dire quelque chose à Willow, you just have no idea how much I wish I was an only child these days. Tu n'as pas idée de à quel point j'aimerais être en fille unique en ce moment. Voilà, c'est ce qu'elle ressent. Tu étais fille unique. Ouais. C'est ultra méta. Ouais. On se dit, mais oui, Buffy est la fille unique. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, toujours. Et là, toujours... on retrouve Joyce malade sur le canapé. Le fameux canapé qu'on reverra dans The Body. Où Joyce, cette fois, sera décédée. Il y a vraiment des prémices. Mais ça annonce que c'est peut-être si... Bon, c'est facile de dire ça après avoir vu la série, mais que ça annonce sûrement des trucs mauvais pour Joyce. Ah, Ben! Ben, voilà, super perso. Qu'est-ce qu'on pense de Ben? Personnage. Moi, je le trouve nul, personnellement. Fred, un avis sur Ben, peut-être? Ben, insignifiant, aucun avis. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, Ben... On a du mal à se passionner pour ce... Il est joué par Charlie Weber, ouais. Qui jouera l'année d'après dans Charme, donc une série avec des... Ouais. Il a sûrement joué dans Supernatural, lui aussi, non? Non, il a une tête à jouer dans Supernatural, il n'y a que des bons acteurs. N'importe quoi. Non, il a joué aussi dans... Surtout, d'ailleurs, il a joué dans How to Get Away with Murder. Ah oui, c'est vrai. De 2014 à 2020, et ça, c'est un personnage... Il joue un des personnages principaux. Mais là, bon, il est important quand on va comprendre ce qui se passe avec Glory. Mais là, c'est vrai que c'est une sorte de love interest un peu pourri, parce que en plus elle est toujours avec Riley, Buffy, donc. Et en plus, il y a Spike par là-dessus, donc. Il y a évidemment Spike, l'histoire d'amour. Ouais, non, un peu relou ce Ben. Nul, puis oui, nul. Mais c'est pas grave, tu vas t'en remettre, c'est pas. Non, il reste là qu'une saison. À chaque scène où il est là, je m'endors. Je fais des micro-siestes parce que ça n'a aucun intérêt. She's not feeling better. Not yet. But she will be. Starting to figure out what's wrong. Donc point sur l'intrigue, ouais, l'agent de sécurité que Buffy avait vu, avec qui elle avait récupéré la sphère, est devenu complètement taré, hein, bien sûr. Et il lui a dit tout simplement, texto, tu vas, il veut s'en prendre à ta famille. Donc c'est totalement en raccord avec le thème de l'épisode. Et on retrouve notre moine à sandales dans son nouveau foyer, donc l'usine désaffectée. Et comme dans le flashback du début, on a une redite du flashback. Lui qui a très peur et une grosse porte qui est en train de se faire défoncer. Une porte il dit la bête est là. Voilà, une grosse porte en bois se faisait défoncer dans le previously, enfin dans le teaser de l'épisode. Là, c'est une énorme porte en métal. Et la bête arrive et la bête twist complètement Wedon. La bête a l'apparence d'une jeune femme en robe rouge très très sexy. Voilà, tout est dit. Avec un grand sourire. Une des meilleures intros de Big Bad. C'est ça. C'est une bête qui ressemble pas trop à une. Bête. C'est vrai qu'on s'y attend pas du tout quand on commence la saison. On s'attend pas à un méchant comme ça pour toute la saison, quoi. Non, et donc c'était la fin de l'acte 1, comme on le rappelle à chaque fois, la fin de l'acte 1, le méchant de la semaine doit être présenté. Là, il est présenté de la plus belle des manières. Donc on arrive au début de l'acte 2, Jace découvre les joies du capitalisme, il a vendu, des clients arrivent. Il commence à vendre des trucs, et il va y avoir ce truc un peu facile qu'on a souvent dans Buffy, où Buffy, ouais. Il se passe quelque chose de pas cool dans la vie personnelle de Buffy, et elle va transposer ça, là j'anticipe un peu sur ce qui va arriver, elle va imaginer tout de suite que c'est un problème paranormal. Vous allez voir, elle va dire « ma mère est malade, c'est forcément un coup de... » On lui a forcément jeté un sort, tout ça. Et là, il y a toujours cette réaction de ses amis qui commence par la dire « Non mais meuf, arrête, c'est pas vrai. » D'ailleurs, ça va être appuyé par la mise en scène. Parce que Buffy va être tout seul dans le cadre et eux vont être, les trois autres vont être ensemble en train de plus ou moins la juger. Ouais, ouais, qui vont lui. Qui... Bah, c'est une construction classique de Buffy, non? Oui, voilà. C'est partie des codes un peu aussi. Bah, les codes, sauf qu'il se trouve que 9 fois sur 10, finalement, elle a raison. Alors, là... Écoutez Buffy, quoi. Ouais. C'est ça. Là, elle a. Mais jamais complètement. Là, il se trouve que, effectivement, la maladie de sa mère est... n'est pas. N'est pas liée, finalement. N'est pas source démoniaque. Mais il y a bien quelque chose qui entoure sa famille. Quelque chose, un sort qui, ouais, qui a été jeté. Voilà, ce plan-là sur les trois qui écoutent Buffy, ils disent. Ouais. Jace qui est suisse, c'est ses lunettes, évidemment. Qui ont du mal à la croire, quoi. Ouais. C'est tout le temps comme ça. On a tout le temps ça dans tous les épisodes. Who's making my mom sick and how? Then what? Then I hunt them, find them, and kill them. You know, when you think about it, I'm the victim here. First off, I don't even want to be. On retourne sur l'usine et encore un plan sur cette fameuse pancarte, toujours qui va être omniprésente jusqu'à. Jusqu'à la fin, on va encore revoir la pancarte. C'est important, le foyer. Parce que là, le foyer a été pénétré, le foyer donc du moine à sandales, a été pénétré par la bête. Bah oui, la bête est là, la bête le torture. La bête est cool, hein, on a envie d'avoir la bête chez... J'ai envie d'être le moine. Calmez-vous, hein, calmez-vous. Ouais. Non, elle est excellente, là. On découvre tout le personnage de Glory en juste une scène. Ouais, ouais, bah ouais, et puis elle reproche, elle dit qu'elle est en train de torturer le moine et elle lui reproche de lui la torturer elle. Enfin, elle est de l'obliger à faire des choses comme ça. Donc interprété par Claire Kramer, donc il sera à Paris, on le répète. Fin mai. Fin mai. Vous avez des infos sur Claire Kramer, Riley peut-être? Eh bien oui, c'est son premier rôle important. Glory avant avait joué dans un film qui s'appelle American Girl, qui est sorti en 2000, vous l'avez vu forcément. Mais oui, avec des pom-pom girls. Avec Kirsten Dunst et Elisa Dushku en plus. Voilà. Peut-être qu'ils l'ont repéré là-dedans pour faire Glory. Et surtout maintenant, elle est connue depuis a fondé Geek Nation, qui est un site internet où elle fait un podcast d'ailleurs, où elle invite des acteurs de la série à parler, qui s'appelle 5x5. Et elle est aussi maintenant surtout productrice, elle produit ses propres web-séries pour son site internet. Et elle a même écrit une série qui s'appelle, je l'ai noté, Take 5. Donc elle est très très occupée. Et rappelons qu'elle vient en mai nous voir. On hâte. On espère qu'elle pourra venir au podcast. Et donc oui, cette sublime bête est à la recherche d'une clé. Ah, dans un épisode sur la maison, sur le foyer, ça tombe bien. Car on l'a vu, pour l'instant, elle n'a pas la clé. Elle passe son temps à défoncer des portes, des grosses portes, et à entrer par effraction. Donc des portes en bois, puis des portes en métal, comme on l'a vu. Il y a un petit côté loup des trois petits cochons hein, dans Glory qui passe son temps à arriver devant les maisons et qui les détruit, alors qu'elle veut juste rentrer, il faut juste lui filer la clé. La clé, on le découvrira plus tard, c'est donc Dawn. Mais c'est intéressant que... Enfin, c'est plein de petites choses qui sont mises, mais qu'on comprendra que plus tard, en fait. C'est pour ça que c'est passionnant de revoir ces épisodes de Buffy en connaissant tout l'arc de la saison. On comprend plein de choses, plein de subtilités qu'on pouvait évidemment pas comprendre. Là, on comprend d'ailleurs dans le visionnage, indirectement avec les répliques qu'elle dit. Ce corps de mortel, j'aurais créé un monde mieux que ça. Oui. On comprend que c'est une déesse en fait. Sous-entendu. C'est sous-entendu pour l'instant. Ouais. Et on va le comprendre à la fin quand elle va se taper avec Buffy et qu'elle va mettre la misère à Buffy pour une fois. Parce que la première fois qu'on voit l'épisode, on se doute pas que c'est une déesse. Non, on se dit que c'est une d'accord. Non, elle a juste défoncé une porte, c'est tout. Ah oui, oui, et on a vu, c'est effectivement sa force. On a vu sa force, et puis là, c'est vraiment indirectement dans les répliques, on peut en déduire ça, mais c'est évidemment plus facile après avoir vu la série. Là, après Autodiac, il y a cette phase assez géniale qui commence où un montage jump cut et des différentes expressions jouées par Claire Kramer, on se rend compte qu'elle est complètement schizophrène, Glory, mais pas très bien dans ses baskets hein, non, visiblement. Et aussi elle a besoin de son traitement comme une droguée alors ça c'est horrible ce plan donc pour elle met ses doigts dans la tête du monsieur. Pour rappel, c'est un truc que Glory va faire pendant toute la saison, se régénérer un peu en prenant, on sait pas, c'est, le cerveau. C'est la saison des maux de tête, en fait. Oui, hein. En prenant les tumeurs des gens, ou alors mettant des tumeurs dans la tête, je ne sais pas. En tout cas, cet effet spécial est proprement dégueulasse, et à chaque fois qu'il sera fait dans cette saison, c'est moche, c'est vilain, ça fait saigner les yeux. On comprend l'idée, mais c'est pas joli du tout, hein. On est un peu déçu par cet effet. 30% off, it's the... One's our full price. That's not candy. pendant ça là c'est la panique. La scène est géniale. Panique à la Magic Box. Il y a un monde de dingue. Voilà, il y a beaucoup de monde. Anya va aider, se met à aider Jax dans sa boutique. Parce que Jax est complètement perdu. Ah, mais les scènes de vente dans la boutique, moi j'adore. Hein. Ouais. Ouais, et puis il y a vraiment plein de monde là, à ce moment-là. Ça a cartonné, ouais. Elle est géniale, Anya, encore. Les débuts d'Anya. Elle n'arrête pas de. Enfin, Xander essaie de lui apprendre la politesse. C'est une tradition, ça se passe comme ça. Non mais Anya, le capitalisme, c'est une grande histoire. Voilà, et ça commence, et là, ça commence. Alors, ici, ouais. En fait. Non, oui. Ça a commencé un peu plus tôt. Dans Real Me, on en avait parlé. Elle joue un jeu de société avec Xander et Dawn. Et elle est contente de gagner, quoi. Et il y a plein d'argent, elle a plein d'argent et ouais. Des enfants. Oui, elle voulait vendre le bébé. Et elle dit c'est nul et tout. Et lui dit non mais t'as gagné, d'accord. Et elle commence petit à petit, effectivement, dans ses premiers épisodes à comprendre où elle est dans un pays capitaliste. Dans ce monde. Hein. Et elle va très vite s'adapter, contrairement aux autres personnages. Alors là, je prends un peu d'avance parce qu'il va se passer un truc assez incroyable. Ça va parler français dans la série. Emma Caulfield, donc l'interprète d'Anya, va nous gratifier d'un magnifique tirer la couverture. Un sort donc inventé par un certain Cloutier, un sorcier français du XVIe siècle. Et comme on l'avait déjà entendu dans l'épisode School Hard, rappelez-vous, en saison 2, Buffy est nulle en français. Elle traduit se tirer la couverture par faites tourner la bouffe. Elle n'a pas compris du tout la phrase. Alors que Willow, elle, est complètement bilingue, traduit directement ce que vient de dire Anya. La série a de la mémoire, on vous l'a dit très souvent. Et là, c'est super. Enfin, à 3 ans d'intervalle, on vous rappelle que. Et donc, c'est les deux seules fois dans la série où ça parle un peu français. Mais voilà, mais c'est cohérent. Willow est très forte en français, tandis que Buffy est nulle. Rappelez-vous, alors, je ne sais pas si les gens se rappellent, mais voilà, c'est dans cette scène de School Hard au bronze. Buffy révise le français et est aidé par Willow sous le regard de Stalker de Spike, pour rappel. Et on voit déjà que Buffy est nulle en français. Enfin, voilà, on aime beaucoup ces petits clins d'œil et qui rendent tout l'univers cohérent, quoi. Higher states of consciousness work. Better than mine. I knew he was gonna say that. But I've been practicing concentration drills. I know I'm close. J'ai envie d'avoir la Magic Box et d'y aller. T'achèterais quoi dans la Magic Box, Aurélien? Je ne sais pas. Moi, je dis que tout sert de presse-papier. Oui, c'est ça. C'est possible. Je pense qu'il vendrait des masques rigolos, des masques avec des. A priori, tu dirais que Riley. Ah, Riley là. Ah, donc il sert à quelque chose alors. Et bah justement il va te comprendre très vite qu'il ne sert à rien puisque Buffy veut dire t'as qu'à mettre du sable et allumer l'encens. So the incense needs to be ignited and there's a job. And this stuff needs to get poured around me in a circle counterclockwise. So you need me to light incense and pour sand? Magic incense and spooky sand. C'est exactement ça, tout est résumé, tout le personnage de Riley est résumé dans cette réplique. Maintenant qu'il n'est plus super fort, parce que dans l'épisode précédent, il s'est fait retirer, entre guillemets, sa super force. Mais oui, il y a eu un épisode de Riley centrique, hein, juste avant. J'ai hâte, il faut absolument qu'on a hâte de commenter, dans lequel il se faisait retirer quelque chose. Ouais, donc il est encore plus banal qu'avant, quoi. Il avait un truc de super, un mini super pouvoir. Enfin, il avait déjà un complexe d'infériorité par rapport à Buffy, en fait. Et d'ailleurs, on voit dès le début de la saison 5 quand avec l'histoire du ballon de foot américain sur la plage dans l'épisode avec Dracula. Bref, il a un complexe d'infériorité et en plus, ça ne fait que se répéter. Et maintenant qu'il n'a plus de force, mais voilà, donc il est temps que tu partes, petit Riley. Ce qui est génial, donc elle lui dit mais si, j'ai besoin de toi, mais pour allumer l'encens et verser ça. Enfin voilà, c'est toute l'utilité. Et là, on a besoin de lui, mais pour faire ces trucs qui ne servent un peu à rien. On n'a absolument pas besoin de lui pour sauver le monde, absolument pas besoin de lui pour... Plus, on n'a plus besoin de lui. Bon, il n'a jamais fait partie vraiment du gang, de toute façon. Je suis un peu d'accord avec Fred, ouais. Attendez, c'est lui qui sauve tout le monde contre Dracula. Rappelez-vous de cet épisode. Riley, il est là pour rendre la tueuse heureuse, pour qu'elle... Mais c'était parfait, ça me rappelle la bonne époque, ouais. Non mais oui, effectivement, en saison... Et puis là, on voit plus en saison 5. Des trucs. Mais non, il se fait envoyer bouler. Ah non, il a trop d'ego. Non mais c'est pour ça qu'il partira dans la saison 5 parce que maintenant il a bien compris qu'il n'avait plus sa place dans la série en fait. Alors Buffy vivement le spin-off sur Riley. Buffy verse du sable dans sa chambre et elle s'équipe d'allumettes. Je sais pas vous mais moi ça me fait et tout de suite penser à cette vidéo géniale de Baptiste qui fait un feu dans sa chambre. Ah oui, c'est vrai. Fred, tu t'en souviens? Ah oui. Je mettrai évidemment le lien. Je suis pas défoncé. J'ai pas fumé. C'est très bon, ça. C'est très bon. J'adore cette vidéo. Le lien, alors pour ceux qui ne savent pas, je mettrai évidemment le lien. Arrêtez l'épisode et allez voir tout de suite Baptiste qui me fait le mieux. Ouais, n'arrêtez pas le live. Hein. Qui met le feu dans sa chambre. Voilà. Et c'est exactement pareil. Il y a sa famille. Il y a sa famille qui nous la porte. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et là, c'est pareil. Dawn vient emmerder. Buffy qui veut faire du feu. T'es défoncé. Non, j'ai pas défoncé. Sauf que voilà, Buffy a réussi à... Buffy a une super force. À empêcher la famille de l'embêter. La famille, c'était Dawn. Et donc, va réussir à faire son petit rituel. Tour de magie, là. Son petit rituel. Sa transe, voilà. Ça commence maintenant, d'ailleurs, avec un enchaînement de plans fondus enchaînés, là. Mais c'est pas mal, parce qu'on comprend qu'il y a ça commence un peu à devenir mystique, de par le montage, en tout cas. Ouais, il y a une succession d'effets. C'est bien fait cette séquence parce que c'est vraiment c'est fait avec pas trop de moyens. C'est voilà des plans qui tournent. Après, il va y avoir un filtre sur l'image. Voilà, un truc tout simple. Et on comprend qu'on est dans une transe, quoi. Sans que ça soit. Voilà, on a dit l'effet spécial là, des mains qui rentrent dans la tête. Ouais, dégueulasse, c'est raté, on n'y croit pas une seule seconde. Là, à l'inverse, sans se prendre la tête, juste en jouant sur les contrastes et l'étalonnage. Et l'ambiance sonore aussi, qu'on n'en a pas, mais elle est géniale. Et aussi l'ambiance sonore qui joue. Et voilà, on arrive à être dans une séquence, on y croit, quoi. Et parce que. Et Buffy marche au ralenti, alors que quand sa mère va lui parler, ça va être vitesse réelle. Enfin voilà, c'est plein de petites subtilités comme ça qui nous font croire à la transe. Moi j'aime beaucoup. Et puis d'ailleurs, l'effet avec les photos de famille qui est génial. Quoi. Le coup de la photo, d'ailleurs, c'est complètement retour vers le futur, finalement. Effacé de la réalité. Ah oui, c'est sûr. Alors, Joyce va mieux, voilà. Et Buffy constate, donc oui, qu'il n'y a rien autour d'elle, que... Bah, que... Oui, il y a un filtre un peu... Cramé. Oui, mais elle n'est pas... Il n'y a pas d'aura démoniaque autour de pas sa du mère. Tout. Ouais. Exactement. Aucun sort n'a été jeté sur Joyce. Mais voilà, derrière elle, la photo. La photo derrière Joyce, voilà. C'est un mauvais montage photographique, il manque le haut des cheveux d'autres frères. C'est ça, la photo. Et Dawn, elle apparaît, elle disparaît, c'est génial. Clignote. Et Dawn qui va clignoter juste après quand Buffy va la voir, c'est subtil. You go have a good time. You're so grown up. Et voilà la photo. Dawn qui vient encore. Et là Buffy commence à comprendre ça, c'est cool. Et donc elle va voir sa sœur. La fin d'acte incroyable. Donc là ouais, il y a un effet par ordinateur un peu plus conséquent, un peu plus important et qui marche super bien aussi. Où la chambre de Dawn n'est pas. A été déformée par un tour de magie donc. Il y a un effet pas mal sur le décor. Ouais, on constate que c'est en fait une pièce, une sorte de bureau, un espèce de débarras, que c'est pas vraiment une chambre d'ado. Et c'est là, nous, en tant que spectateurs, qu'on comprend aussi qu'effectivement, putain, c'était trop bizarre. Et voilà, Dawn, elle fait pas partie de la série. Elle est incrustée, là. T'es incrustée, ben, t'es collé. Ça fait bien qu'il y a un truc qui clochait. Ouais. C'est quand même un épisode clé, hein, de au moins de la saison 5. You're not my sister. Oui, c'est le cas de le dire, tout à fait. You're not my sister, excellent cliff. Réplique incroyable, un twist complètement fou, digne d'une fin d'épisode, même d'une fin de saison, quoi. Et là, bim, il arrive, bah, c'est juste la fin de l'acte 2 de l'épisode, tranquille, on vous fait des twists comme ça, juste pour l'acte 2. Et là, direct violence, parce que Buffy est quelqu'un d'ultra violent. Elle pense surtout à la violence directe comme priorité, quoi. Puis là, du coup, le revirement est complet avec sa sœur, enfin, elle la déteste, elle pense que c'est un démon ou on ne sait pas, un métamorphe. Et ben voilà, là elle a la preuve que Dawn est étrangère à son foyer et elle en a tout de suite très très peur, elle lui veut du mal. Enfin surtout, c'est pour ça aussi le petit tour de scénaristique qu'ils ont fait aller mieux sa mère pour qu'elle quitte la maison. Buffy va surtout s'inquiéter pour sa mère, elle veut pas que sa mère soit en présence de Dawn parce que maintenant elle a de sérieux doutes sur, tout à fait. Sur la moralité de la jeune fille. D'où le titre en français, Sœur et demie, hein, finalement. Oui, très bon titre. Et donc là, Buffy téléphone à Giles, donc c'est encore plus le bazar à la Magic Box. Il est débordé, oui. Et ça, c'est important, parce que donc, la Magic Box, qui est le foyer de Giles et du Scooby Gang, est lui aussi envahi d'intrus, comme le foyer de Buffy est envahi par cet intrus Dawn. Là, c'est intéressant parce que l'intrigue principale est rejointe par l'intrigue secondaire. De l'épisode thématiquement, ouais. Voilà, alors qu'elles vont pas se croiser les deux intrigues, mais elles ont la même évolution thématique, et ça c'est super appréciable pour des spectateurs exigeants, hein, comme nous. L'intrigue secondaire n'est pas juste là pour boucher les trous, pour combler des minutes supplémentaires. Ça sert la même thématique, la même morale, qui est en gros là, il faut accepter l'étranger chez soi, même si ça fait un peu de dégâts, même si c'est exactement ça. Et j'aime beaucoup, enfin voilà, il y a un montage parallèle entre les scènes à Magic Box et les scènes chez Buffy. Chez Buffy, ouais. Et il y a la même montée en puissance de l'intrusion dans mon foyer. Il se passe pareil chez Giles et chez Buffy. Et à la fin, la même conséquence. À la fin, il y aura l'acceptation des intrus. Les intrus, finalement, c'est pas mal d'accepter les gens chez soi. C'est exactement comme dans Lost, tout simplement. Tous les épisodes de Lost sont écrits de la même façon. C'est l'intrigue secondaire et rejoint tout le temps la thématique principale. Toutes les bonnes séries, j'ai envie de dire. Tout simplement les bonnes séries. Elles sont pas si courantes que ça, d'avoir des séries aussi bien écrites où les scénaristes se sont un peu pris la tête pour justement mêler. Attention, mêler les scène exceptionnelle. Scène de Strike. L'arrivée de une des scènes les plus connues de tout Buffy, de toute la série. Strike en mode stalker, comme d'hab. Mais oui. Mais t'as vu son salut Buffy, il est un peu nul, quoi. Il est, il est amoureux maintenant, quoi. Il a perdu toute crédibilité. Hein, Five words or less. Out for a walk, bitch. C'est une des meilleures répliques de l'histoire de la série. Voilà, pourquoi t'es dehors en 5 mots, je suis dehors pour me balader, connasse. Super, super réplique, on adore Spike. Et voilà, oui, comme on l'a vu, Spike se retrouve amoureux de Buffy. Ce qu'on peut noter, vous savez que je suis pas un grand défenseur de cette histoire entre cette amourette entre Spike et Buffy. Je préfère celle avec Riley, je sais. Et voilà. Et non, mais tout est dit dès les premières secondes. Spike essaye d'être sympa envers Buffy et il récolte quoi ? Une claque dans la gueule, un coup de poing dans le pif, quoi. C'est exactement toute cette histoire pseudo-amoureuse est résumée comme ça. Spike est amoureux, Buffy non, et ça se finit par de la violence, quoi. C'est tout est dit dès ce qui va caractériser une bonne partie de leur relation. Bah oui, c'est une ils vont pas se taper, ils vont pas être à égalité, et surtout Buffy n'est pas amoureuse de Spike. C'est embêtant dans une histoire d'amour, sauf qu'elle lui dit à la fin de la série qu'elle l'aime. Bon, ouais, c'est pas vrai, il y a débat. T'es plus Buffy ou Angel, Fred, toi? Non, Angel était chiant quand même, hein. Angel, ouais, Angel est chiant, mais elle préfère Angel quand même, elle préfère Riley et Angel ensuite. Alors là, regardez, encore la grille, pancarte, tout ça, propriété privée, hein, tout ça, je vous refais pas. On a bien pas compris, je crois, la pancarte. Mais voilà, Buffy casse la chaîne et rentre dans le foyer du... Bon, après, la porte est ouverte, par contre. La porte, elle, est ouverte, mais elle explore le foyer. Enfin, voilà, pareil, tout est lié, il y a ces notions de propriété privée où les endroits étaient cloisonnés en début d'épisode. Là, maintenant, tout est ouvert, tout va à volo, les gens... Il y a full dans la Magic Box, il y a une intrus chez Buffy, cette usine est ouverte, voilà, on découvre la porte en métal qui a été complètement défoncée par Glory. Voilà, tout est... La Buffy peut se dire que c'est un monstre géant, hein, qui a défoncé la porte, visiblement. Voilà, et pareil, chez les Summers, retour donc chez les Summers, et Joyce rentre chez elle, par la porte, et pareil, par la fenêtre, son foyer a été infesté, voilà. Arrête de voir des portes tout le temps. Là, cet épisode aurait pu s'appeler Les Portes. Exactement. Comme tous les épisodes. Et voilà. Et là, Dawn devient complètement maléfique, enfin, en tout cas, la mise en scène nous fait penser que Dawn est devenue méchante avec cette tasse de thé. Ouais, c'est hyper flippant. Ouais. Mais pareil, le son à ce moment est génial. Le son de design. Alors qu'elle est juste. C'est juste une gentille fille qui a préparé un thé. Sa mère qui est malade, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais une scène et juste par la mise en scène et l'écriture. Et puis là, il y a un double sous-texte parce que du point de vue de Dawn, c'est genre, je montre que je suis sympa avec ma mère parce que pour montrer à Buffy que je suis sympa. Et pour être une meilleure fille que ne l'est Buffy, mais nous en tant que spectateurs, qu'il a se faire buter, quoi. Potentiel démon, danger, voilà. Et Buffy arrive, découvre le moine, et, super plan. Arrivée de Glory là. Et enfin, ça commence direct. Confrontation, la Bim. Confrontation arrive. Buffy part dans le mur et défonce le mur. Buffy et Glory se rencontrent enfin et bah, ça commence par de la baston, hein, forcément. Et bon, ça, on voyait que le mur rebondissait. On voit que c'est un mur en carton quand même. Mais bon. Voilà, faut pas faire des arrêts sur l'image trop parfois. Là, ça annonce un combat de ouf. On a envie absolument que ça enchaîne. Quoi. Fin de l'acte 3, donc tout le monde est en danger. Hein. Buffy est en danger parce qu'elle rencontre une nana avec une force surhumaine. Joyce est potentiellement en danger chez elle à côté de Dawn. On avait vu juste avant la Magic Box pleine de clients. Voilà. Et ils sont crevés. Jace, compliqué le capitalisme, hein. il est fatigué. Et voilà, parce que donc on arrive au début de l'acte 4, et finalement, la journée de commerce se termine. Anya se révèle être une excellente commerçante, et Jace lui propose un travail pour l'aider. Et Xander qui appelle Jace Big G, il n'y a plus aucun respect hein, pour le bibliothécaire. Ah oui, Big G, ouais. C'est pas une forme de respect, non ? Je crois pas, non. Ah oui ? Boss, et Anya est embauchée. Bon, allez, vite le combat là. Attends, j'ai pas eu le temps de parler de la Dagon Sphere. Non, mais oui, t'as complètement sauté, c'était il y a trop longtemps. C'était, ouais, bah, donc voilà, cette boule brillante, global, que Jace a entre les mains pour l'instant. Bah, Dagon, ça vient d'où Dagon vous de Lovecraft. De Lovecraft. De Lovecraft. Sauf qu'à la base, non, c'est un dieu des semences. Putain, j'ai perdu ma page. Aïe, aïe, aïe, un dieu des semences. Un dieu des semences. T'es sûr de toi? Suspense. Putain, j'ai plus. Bon, je t'ai dit qu'il fallait en parler plus tard. Je vous le dis en conclusion, parce que là, c'est la bagarre. En conclusion, c'est Lovecraft, c'est important aussi. Ouais, en conclusion, je vous parle de Lovecraft. Donc, baston, Gloria, Buffy. Bim. Et là, il y a du niveau quand même, il y a du niveau. La Glory est étonnée d'avoir du retour. Elle dit, ah, en fait, t'as de la super force. Toi aussi, t'as des super pouvoirs. Donc, c'est un combat de super-héros. Mais c'est une déesse qui connaît pas la tueuse, du coup. Eh ben, elle va l'apprendre plus tard. Je sais pas si tu te rappelles, plus tard, il y a cet épisode où elle dit cette réplique. Ah, c'est une tueuse. Ah, je me suis battu contre une tueuse. Ah, la honte. Sali, quoi. C'est trop bien. Mais voilà, mais par contre, oui, elle est étonnée. Elle sait pas que c'est une tueuse, mais elle est étonnée que ça soit une humaine avec autant de force, en tout cas. Et là, Buffy va comprendre qu'elle peut pas la battre. C'est pour ça qu'elle va tenter de plutôt s'enfuir. Ouais. Avec le moine, quand même. C'est là aussi qu'on comprend que Glory va peut-être rester, en fait. C'est pas juste une méchante de la semaine. C'est même la big bad de la saison. Là, Buffy s'enfuit en sautant du troisième étage. Sauf qu'à la fin de l'épisode, on sait pas trop. Y a rien qui nous dit qu'elle est toujours vivante, en fait. Mais enfin, c'est. Bah, mais oui, on se doute que. Voilà, attends, mais... Elle a la force de Superman et elle survit pas un immeuble. Par contre, là, il y a ce trope, la classique du talon qui se casse. Ouais. Ça, on voit ça tout le temps dans les films, les séries. Moi, je demande. À ceux qui portent des talons. J'appelle les porteurs et les porteuses d'escarpins qui nous écoutent à me le dire. Est-ce que ça arrive vraiment, ce truc, ce talon qui casse? Attends, si tu te bats, j'imagine que oui. Moi, j'ai du mal à y croire. On voit ça elle partout. Vient de se battre, tout ça. C'est quand même bizarre. Moi, j'ai jamais vu des talons qui se cassent comme ça. Enfin voilà, c'est un appel à la communauté que je lance. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ça arrive vraiment, ce genre de choses? Ça intéresse en tout cas. Bon, vaste sujet. En attendant, Buffy, Glory s'est pris un mur sur la tête et donc ne peut plus empêcher Buffy de sauver le moine. Vous avez vu, les murs, les poutres aussi sont fragilisés par Glory. Est-ce que c'est pas une manière de nous dire que... Elle détruit le foyer? Voilà, elle veut détruire le foyer avec la gloire. Glory, la gloire en français. Hein, ben, quand on a la gloire, on oublie les fondations. Hein, on oublie le plus important, les valeurs de base. Je ne sais pas. Mais c'est une scène géniale, un priorité direct entre Buffy et le moine qui du coup lui explique tout en fait. Lui explique révélation, enfin. Qu'ils ont mis la clé chez elle, tout simplement, sous forme humaine, et elle va comprendre que c'est Dawn. Et Buffy va très mal le prendre. On ne sait pas si elle a envie de tuer le gars ou si, enfin, elle va très vite reprendre son état d'esprit normal. Elle va vouloir tout faire pour protéger. Voilà, la clé, il explique que Dawn est une clé et qu'elle a été mise en sécurité dans le coffre, en gros, du foyer Buffy. Puis il donne des explications très nulles. C'est une clé, mais ça sert à quoi? Une clé qui ouvre la porte, voilà, c'est tout. Ok, merci, le moine. Et quand elle comprend qu'ils ont mis ça chez elle, « You put that in my house », elle est très, très vénère. Buffy, voilà, elle le dit là. On sent que si le moine n'était pas déjà en petite forme, elle lui aurait mis les claques. Quoi. Mais elles se sont aussi pénétrées dans sa propriété privée. Exactement. C'est une sorte de viol. C'est une sorte de viol, exactement. Dans sa vie complète. Ouais. Et ils lui ont refait ses souvenirs, quand même. Ils lui ont pénétré son cerveau, c'est sa vie, quoi. Enfin, c'est très, très violent. Et donc elle joue super bien Sarah Michelle Gellar à ce moment-là. Ouais, parce qu'elle passe par toutes les émotions. Il y a l'interrogatoire, après elle découvre donc ce viol, et à la toute fin, on va y arriver là. Elle comprend que elle doit accepter Dawn, elle doit la sauver. Ah, oui. C'est sa mission aussi. Enfin, c'est une scène assez poignante. Mais effectivement, c'est pas encore exactement quel est le rôle de Dawn, à part que c'est la clé, parce que c'est que le début de la saison, on le rappelle. Mais voilà, les arguments du moine font changer Buffy d'état d'esprit. Elle a besoin de toi. Il lui apprend que Dawn ne sait pas qu'elle est une clé. Dawn se croit humaine, et Dawn est sans défense et doit être protégée. Et là, Dawn, c'est un peu l'incarnation de toute l'humanité que Buffy passe son temps à sauver, donc elle peut pas refuser cette mission. Depuis qu'elle est tueuse, elle passe son temps à sauver l'humanité. En gros, Dawn, c'est un petit échantillon personnel d'humanité qu'elle a dans la chambre à côté de chez elle, qu'elle doit protéger chez elle. Elle devait déjà protéger ses amis, sa mère et tout. Mais maintenant, la vie n'était pas assez compliquée. Oui, c'est ça. Et Dawn est encore plus sans défense parce que c'est une petite fille plus jeune et tout. Et puis l'arrivée de Dawn, ça va aussi permettre la transition de Buffy qui va devenir une vraie mère après la mort de Joyce. Buffy, il faut qu'il y ait un personnage dont Buffy a la responsabilité en fait. Et donc Buffy vient de rentrer chez elle, la première chose que lui dit sa mère, you're home, tu es à la maison, tu es chez toi, voilà. On en rajoute une couche sur, voilà. Ça va trop vite, il y a eu un plan génial où Joyce demande à Buffy ce qu'il y a. Au départ, Buffy est en plan large pour dire non, rien. Et après, en plan serré, donc plus important, donner de l'importance à cette réplique, elle dit sister stuff, un truc de frangine, quoi. Voilà, c'est appuyé, Dawn fait partie de la famille. Là, le plan est génial. Encadrement de porte. J'adore les portes. Et puis Dawn, c'est une clé. Maintenant, on sait que c'est une clé. On peut en jouer à l'infini dans la mise en scène. Dawn est encadrée entre le chambranle, la porte et la porte. Enfin, voilà, Dawn est mise en scène comme une clé dans ce plan qu'on vient de passer. Et Buffy, pour l'instant, n'a pas accès à la maison. Elle doit accepter de se faire un peu vanner par sa sœur pour rentrer dans la chambre. Et enfin, là, c'est une scène très poignante qui arrive, quoi. Et qui finit l'épisode, hein, tout simplement. Et puis qui, pour le spectateur, pour Buffy, fait que ça y est, on accepte Dawn dans la série maintenant. On n'a plus le choix. Buffy s'excuse, c'est important quand même. Et après, elles ont. L'autre la vanne quand même, et elles arrivent à se comprendre. La relation de sororité se met en place. Ouais. I just had a bad day. I'll join the club. Could I be president? I'm president. You could be the janitor. Tu mets dans ton conducteur que t'as envie de chialer, c'est vrai ou... Oui, bah là, je vais pas le faire là parce que vous êtes là et je suis un peu timide. D'accord. Mais quand je suis tout seul à regarder cet épisode, j'emmène pas large. D'accord. Oh. C'est mignon. Mais c'est super touchant. Non, mais ça finit très bien l'épisode. Et puis voilà, c'est comme si Buffy découvrait qu'elle avait une petite sœur finalement. Elle a passé l'épisode à dire ah putain, elle me saoule cette gamine là. Ouais, en fait, mais c'est ça les histoires de sœur ou de frangin. Hein. On se charrie sans arrêt, on se dispute, mais au final, s'aime bien. Évidemment. Ça y est. Et voilà, ce plan génial. Dans le cadre de la porte. Le même plan dans le cadre, mais maintenant Buffy est là. Et elle va protéger sa sœur de Claire. Même le geste qu'elle fait à lui caresser les cheveux, c'est quand même clair. C'est fin d'épisode. Bonne série. Qu'est-ce que c'est beau, oh là là. Quelle série, mes amis. Non, c'est super. Tout le chat te soutient dans ta détresse. Il y a pas de détresse. Non, mais ouais, bon, bah, voilà, super épisode. Le chat, il y avait plein de messages. Hein. Désolé, on n'a pas tout vu, mais ouais. ça discute. Excellent épisode, vous êtes d'accord sur le chat ou pas? Bien sûr qu'ils sont d'accord. Je vais lancer le jingle de la conclusion, parce que évidemment on n'a pas eu le temps de tout dire, hein, forcément. On était trop passionnés par ce qui se passait à l'écran. Tout de suite, jingle de la conclusion. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Et oui, conclusion donc. Alors moi, je suis en train de rechercher mes petites notes qui parlaient de Dagon, hein, de la sphère de Dagon. Pendant que je fais ça, est-ce que messieurs, vous avez des choses à ajouter en conclusion? Non, bah bon épisode. Hein. C'est surtout par celui-là que démarre vraiment la saison, parce qu'avant on a 4 épisodes qui posent quelques pièces, mais voilà, l'intrigue principale n'était pas encore lancée. Et donc c'est là que ça démarre vraiment, quoi. Ouais, je suis d'accord, parce qu'on ne savait pas sur quel pied danser avec ce personnage de Dawn, et finalement, l'épisode de Real Me, l'épisode 2 de la saison qu'on avait déjà commenté... Il nous apprenait rien, ouais. Oui, mais te donner une explication, te faisait croire que bon bah elle est là, en fait justifier ouais, sa présence de Dawn, quoi. Attends, et là tu te fous oui, de la gueule. Disait qui elle était, quoi. Ouais. Tout. Oui, mais on donc peut-être qu'on pouvait si on est un gentil élève, on pouvait dire bon, okay, d'accord. Dawn est là, ok, je l'accepte. Et là c'est et on un dit peu mais grossier. Non. Oui. Bien, elle est pas là. Enfin voilà, c'est que par des exemple, en fait, ça lance vraiment la saison 5 et ça a mis en place plein de petites pièces, la relation Spike, enfin. Spike qui est amoureux de Buffy, Riley qui a plus de pouvoir, l'ouverture de la Magic Box, la maladie de Joyce, tout ce qu'on va retrouver au fur et à mesure de la saison. Et c'est un peu long avant que démarre la saison finalement. Oui, parce que l'épisode avec Dracula, enfin toute l'histoire de Dracula est sans intérêt quand même. Bah, c'est une sorte jusqu'à la fin de l'épisode. Parenthèse. Quoi. Ouais, mais on avait besoin, non, de cet épisode. T'aimes pas cet épisode de Non, j'aime pas l'épisode avec Dracula. Ça. Ah ouais. Ouais, ouais, j'aime pas du tout. Moi, c'est un peu un épisode entre deux saisons, Dracula, avec le vrai début de la saison qui est l'arrivée de Dawn. Bah, c'est pas du tout. Enfin, on avait pareil, on l'a commenté, ouais, on en a parlé. C'est pas du tout l'atmosphère de la série normale, quoi. Cette incursion d'un monstre un peu gothique, c'est tout ce que la série combat normalement pour dire que les vampires sont modernes et tout. Mais ouais, c'est. Mais en tout cas, No Place Like Home, très très bon épisode, très bien réalisé, hyper subtil dans l'écriture, qui gagne en fait à être vu. Une fois qu'on a vu la saison 5, en fait, tout simplement. Exactement, ouais, voilà. Alors que quand tu le vois la première fois, t'es peut-être, à part quelques scènes vraiment, vraiment cool avec Spike ou Giles, et le combat avec Glory, quand même, tu sais pas trop où ils vont, mais c'est réussi. J'ai retrouvé mes notes sur la Dagon Sphere. Donc, alors, Dagon. Qu'est-ce que c'est ce Dagon ? À la base, donc, c'est un dieu des semences et de l'agriculture des anciens peuples du Moyen-Orient. En 1917, Lovecraft, donc l'auteur de fantastique connu, en parle dans une nouvelle et en fait une sorte de gros monstre ou dieu aquatique. Une espèce de grand ancien, comme il en parle régulièrement dans ses œuvres. Et depuis, Dagon est régulièrement utilisé comme divinité sous-marine dans diverses œuvres de la culture populaire. Qui cite souvent Lovecraft, en fait, comme référence. Exactement. Alors que tu ne parles d'un dieu des semences ? À la base, le nom, de quoi c'est tu parles, ouais. Un dieu de semences. Mais ce qui compte, c'est plutôt son aspect de dieu, parce que qu'il soit marin ou de l'agriculture, c'est un dieu. Oui. Et pareil, comme tu le disais, c'est un petit indice un peu subtil pour nous dire on a peut-être affaire à une divinité avec Glory et avec donc cette sphère qui sert à se défendre contre la chose qu'on ne peut pas nommer, what cannot be named, est dit par Jace, je crois. Là aussi, rejoint les thématiques de Lovecraft. À chaque fois, les personnages dans ses romans ou nouvelles se retrouvent confrontés à des choses qu'ils ne peuvent innommable. Pas décrire, ouais. Ne peuvent pas nommer, qu'on ne peut même pas comprendre. C'est ça, un peu Glory, sous ses aspects de jolie nana sexy. C'est beaucoup plus que ça qu'elle véhicule, toujours aller au-delà des apparences avec Whedon et avec cette œuvre. Voilà, elle représente beaucoup plus de choses que sa simple apparence, Glory. Riley, est-ce que vous aviez autre chose à nous dire en conclusion ? Non. Attends, je reprends mes notes. Mais la famille. Ah, si, peut-être que je voulais parler de la famille. On a déjà parlé beaucoup dans l'épisode, mais est-ce que c'est pas le thème de cette saison finalement ? La vraie saison de transition où Buffy va vraiment devenir adulte, elle va mourir, oui. Bon, mais en fait, c'est surtout. Il y a cet épisode-là qui donc fait prendre un premier tournant dans la série, et après The Body, évidemment, qui va rebattre toutes les cartes, en tout cas qui va faire basculer Buffy vraiment dans l'âge adulte, avec Dawn en petite fille à gérer, en fait. Hein, c'est. J'aime beaucoup. Qui commence là avec ce plan final de l'épisode où elle est à côté d'elle, elle lui caresse les cheveux. Et elle la réconforte, on l'a pas dit, mais elles sont en train de parler de leur mère, qui est malade. Exactement. Et elle rassure sa petite sœur en lui disant ça va aller, t'inquiète pas. Voilà. Ouais, en fait, ce que ça introduit, c'est que dans toute la saison, tout ce qui se rapproche plus du réel et qui s'éloigne du fantastique sera plus intéressant que les histoires fantastiques, en fait. C'est vrai, et puis quand tu touches à des sujets comme la maladie, comme ça, ou juste les responsabilités quand t'as un enfant, enfin j'ai pas d'enfant, mais avoir un enfant et donc entre guillemets ta vie entre ses mains, parce qu'il peut rien faire, c'est un petit, bon, là, c'est une ado, mais ça change quand même beaucoup de choses, et ça fait Buffy, elle va passer elle va prendre 10 ans de plus en une saison, quoi. Moi, j'avais une dernière chose à vous dire en conclusion. C'est parce qu'en fouillant les internets, donc sur, en cherchant des infos sur cet épisode, j'ai trouvé un lien très petit, mais quand même existant, entre cet épisode et le film Ghost Rider Spirit of Vengeance. Ok, on coupe le podcast là, du coup. C'est là qu'on arrête le podcast. Parce que donc, c'est le Ghost Rider 2 avec Nicolas Cage, apparemment. Et c'est avec Nicolas Cage. Selon certains illuminés de l'internet, il y aurait une histoire qui se rapproche de cet épisode, avec une intrigue autour d'un enfant. Un enfant sacré du Tibet. Un enfant sacré qui doit être protégé d'une divinité démoniaque. Et en plus, dans ce film, il y a Anthony Stewart Head. D'accord, ah ouais, qui joue, c'est lui l'entité démoniaque. Ben non, qui joue le prêtre à sandales, en gros. Ah d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire là-dedans? Voilà, et en plus, il y a Idris Elba, il y a Christophe Lambert. Oh putain, le casting. Donc de voilà, tout ça autour de Nicolas Cage. Donc bah, tu te dis, bah oui, je vais le regarder ce film. Alors je l'ai fait pour vous. Chez vous, ne le faites pas. C'est pas par les réalisateurs d'un film avec Crank, avec comment il s'appelle, oui, Hypertension. Hypertension avec Statham, où ça va à 200 à l'heure. C'est ça, c'est des films de c'est dégueulasse. Des mecs qui font des clips de ouf. Non, c'est... Ça fait mal aux yeux, c'est ignoble. Alors, donc, oui, effectivement, il y a cette intrigue avec l'enfant à protéger, tout ça, donc qui rejoint un petit peu Dawn, la clé, Glory, tout ça. Sauf que n'allez surtout pas le voir, déjà de base, et n'allez encore moins le voir pour Anthony Head, qui meurt au bout de 3 minutes et 12 secondes. Il a juste eu le temps d'avoir une petite scène avec Idris Elba. Et non, c'est un énorme nanar, hein. La réalisation, ça fait mal au crâne, et quand ça se pose un peu et qu'il y a du dialogue, on comprend rien du tout aux intrigues, aux enjeux, tout ça, c'est débile. T'as beaucoup aimé ce film, du coup. Aucun intérêt, n'allez pas le voir, mais voilà. Je notais son existence. Ça y a pas de là. Enfin, il y a pas mal d'histoires. Je dis l'enfant sacré du Tibet, non, mais là, pour déconner, mais c'est la même histoire. Il doit protéger un gamin et il y a un démon et tout. Enfin, oui, mais cette intrigue plus la présence de tonton Jaïs faisait que bon, il fallait jeter un œil au moins. Et au moins prévenir les gens de non, surtout pas aller voir ce truc. Tout de suite. Mais c'est à toi, mon petit Fred. C'est la rubrique de l'invité. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'elle a des vampires. C'est badass. Eh gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Ouais, rubrique de l'invité. Alors déjà merci d'être là, ça fait plaisir d'avoir bravé le virus. Bah, merci pour l'invitation. Et puis bah oui, comme tu l'as dit au début du podcast, j'étais moi-même venu dans ton podcast il y a 2 ans je crois maintenant, c'est ça hein. Oui, oh, ça passe vite. Je crois que c'était ça, il y a un peu plus de 2 ans. Ouais. On avait parlé de Buffy pendant. C'était ton premier épisode, ton deuxième épisode du podcast. Ça devait être le deuxième ou troisième. Ouais. D'accord. Mais oui, ça a duré longtemps. Cet enregistrement a duré au moins 3 heures. Mais oui, il y a plein de choses à dire sur Buffy. Oui. Bah, tu vois, là, on vient de faire. C'est le seul que j'ai fait en 2 parties, du coup. Hein. Oui, tu l'as une fois mis en ligne en 2 parties. Ouais, ouais, ouais. Normal. Alors. Oui, question. Tu ne vas pas échapper aux questions rituelles de la rubrique de l'invité. La première est: quel est ton épisode préféré? Mon épisode préféré? C'est classique, mais c'est épisode musical. Mais oui, à chaque fois que je le vois, forcément, ça me donne envie de chanter, de revoir l'intégrale de la série. Et en fait, c'est juste que des fois, dès qu'il y a un titre qui est que j'écoute là sur Deezer, qui arrive au pif, dès que j'entends un titre, je me dis mince, j'ai envie de revoir l'épisode. Donc ça reste mon épisode préféré. Deuxième question: comment as-tu découvert Buffy? Comment j'ai découvert Buffy? À l'époque, avec la trilogie du samedi sur M6. Classique, mais c'était pour la trilogie du samedi, c'était un spécial Halloween où il y avait plusieurs épisodes d'Halloween de différentes séries. Ouais. Et du coup, c'est l'épisode d'Halloween de la saison 2. D'accord. C'est par celui-là que j'ai commencé. Mais la première diffusion, du coup. La première diffusion. Ah ouais. Oui, ouais. Un vieux fan de la série. J'avais pas vu la première saison, mais effectivement, dès l'épisode d'Halloween de la deuxième saison, c'est là que j'ai bien accroché. En plus, il se passe au début de la saison. Dans la saison 2, qui te fait accrocher du coup à ce moment-là? Est-ce que tu t'en rappelles peut-être? Pour pourquoi j'ai... Je crois que c'est les personnages, tout de suite. Oui. Les personnages m'ont plu. Je trouvais l'idée était amusante, en plus d'inverser les rôles. Donc, voilà, c'est un épisode plutôt sympa pour accrocher. Et en plus, à l'époque... en gros, je vivais la même vie que Buffy en diffusion française, quoi. Donc j'étais au lycée en même temps que Buffy était au lycée. Tout ça. Je tue des vampires la nuit. Bah non, mais je suis arrivé à la fac en même temps que Buffy arrivait à la fac. Ah, oui. Donc j'ai connu en gros la même chose. Donc je m'identifiais fortement à tous les personnages, quoi. Donc bah, ouais, pareil, c'est pour ça que j'ai plus ou moins les mêmes choses aussi. C'est vrai que j'arrivais à la fac et Buffy était à la fac. Je sais pas en quelle année. Bref, peu importe. Mais on doit avoir plus ou moins le même âge, de toute façon, je crois. Et. Dernière question, qu'est-ce que tu fais quand tu ne regardes pas Buffy contre les vampires ? Donc tu as créé un blog qui s'appelle myscreens.fr, ouais. Que là j'ai suspendu depuis un petit moment, mais oui, j'avais ce blog depuis bien 10 ans. Où je parle de ciné, de séries, de comics, que là j'ai mis un petit peu en pause parce que j'avais besoin de me reposer, de prendre un peu de recul sur tout ça. Mais ouais, c'est 10 ans avec beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de rencontres aussi, c'était super. Et oui, après du coup je me suis mis au podcast sur les dernières années, avec un podcast où pendant un an et demi on a parlé à chaque fois d'un film culte. D'accord. Ou d'une série culte, en l'occurrence Buffy. Okay. Ou sinon, là je l'ai arrêté un petit peu avec Covid et tout, c'est compliqué pour tout le monde de se réunir. Et là je suis plutôt sur un petit format du coup pour parler de ce que j'aurais vu, etc. Priorité au direct. Bonjour, bien arrivé. Bonjour. Donc tu te fais bien pour ramener la maladie. Voilà, je suis testé positif, alors je sais que j'allais venir. Clément est là. Surprise intergalactique. Clément, t'as pas de micro installé. Et sauf qu'il n'y a pas de micro. Clément, cette rapidité. Donc tu as fait un test et tu as eu un résultat immédiat alors. Immédiat, 15 minutes après. C'est beau. Bon, Clément, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode ? Alors, écoutez, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'ici, à peu près. Hein, force est de constater que vous avez un regard pertinent sur cet épisode. Non, mais sans blague, en fait, je l'ai trouvé cool, mais sans plus. Dans le sens où, formellement et thématiquement, c'était bien, c'est bien écrit. Mais je trouve les scènes de baston vraiment trop faiblardes. Bon, je sais que c'est secondaire. Ah non, mais on a vu le décor en carton, hein, donc. Et le projecteur, moment sur le. Mais enfin, bon, ça, c'est un problème de format, ça n'a rien à voir. Non, mais voilà, dans l'absolu, j'ai beaucoup aimé cette scène. J'ai pas entendu ce que vous avez dit, mais cette scène où elle tripe un petit peu, où elle voit les deux réalités finalement. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Merci, Riley. J'ai trouvé ça très cool. Après, vu que moi, Dawn, je suis pas hyper méga fan, même si je salue la prouesse scénaristique, quoi. Enfin, foutre Dawn en plein milieu comme ça, c'est waouh. Mais comme j'ai jamais vraiment, vraiment beaucoup accroché sur Dawn, cet épisode m'a laissé un peu froid. Par contre, je suis très surpris que vous n'ayez pas vu la référence évidente à Evil Dead dans cet épisode. Ah bon ? Enfin, je veux dire, mais bah, évidemment, évidemment, quand elle marche dans sa chambre et qu'elle voit on entend presque le démon qui dit rejoins-nous. Ça saute aux yeux, je veux dire. Ça saute aux yeux. Mais alors. J'étais comme un fou dans le métro, je disais, mais pourquoi ils voient pas la référence sur Evil Dead, quoi? Parce que c'est pour ça que je suis venu, en fait. Bah oui, c'est à toi de faire la référence à Evil Dead, c'est pas grave. Bah voilà, j'ai vu qu'elle était pas, alors j'ai fui tout dans le métro et je suis venu. Alors, on était sur la rubrique de l'invité. Reprenons. Oui. J'ai loupé un peu ce que tu disais parce que je suis allé ouvrir à la porte à Clément. Donc, est-ce que vous avez parlé de tes podcasts ou pas, enfin, encore? On commençait, je finissais justement sur le blog que je mettais en suspens pour l'instant, mais oui, je disais que j'avais commencé à faire du podcast du coup il y a 2 ans avec un format sur tout ce qui est film et série culte. Mais que là on a évidemment suspendu les choses à l'heure actuelle. Je me suis essayé aussi sur quelques podcasts un peu format solo ou en duo et tout ça. Oui, je t'ai entendu sur X-Men, House of X et Power of X. Oui, il est tout récent celui-là. Ouais, il est récent. Ouais. Ouais. Ouais, donc t'as pas arrêté finalement. Si non, il y a des fois que ça me démange de parler de trucs quand même. Ouais, donc allez, je me dis j'y vais. Là, ça fait un petit moment, va falloir que je m'y remette. Mais je vais voir justement l'année prochaine pour essayer de reprendre, essayer de trouver un nouveau format, essayer de voir aussi pour un petit truc collectif. Voilà, faut que je me plonge dessus maintenant que toutes ces histoires de à la fois côté pro de mon côté et l'histoire de Covid vont s'amoindrir. Voilà, on va pouvoir se rendre compte. Est-ce que tu es journaliste de formation ? Pas du tout, pas du tout. Moi, je travaille dans la com, d'accord, communication, pub et tout ça. Mais non, après, c'est une passion depuis depuis longtemps de vouloir écrire du coup sur ouais, sur les films que j'aime et tout ça. Donc voilà. Et puis d'en parler, c'est encore plus sympa qu'écrire, je trouve. Surtout quand on a plusieurs. Ouais. Très bon podcast sur Alien d'ailleurs que j'ai écouté. Tes podcasts sur Alien, très très bon. Oui, c'est vrai que celui-là aussi, on a mis longtemps à l'enregistrer. Il y en a plusieurs sur chaque film et tout. Ouais, on a fait sur chaque film. Ouais. Ouais. Très bon. Sur Denis Darko aussi, moi j'ai écouté celui de Denis Darko, c'était bien, on apprend plein de trucs. Non, chouette. Continue les podcasts, c'est bien. Faut qu'on se remette sur le truc. Pardon, quel est le nom du podcast? Je n'étais pas là. Moi, c'est le blog My Screens, donc, ouais, qui est le podcast My Screens. Et ce podcast-là sur les trucs cultes, c'était C'est Super Culte. Ok, d'accord. Très bien. Et alors, donc, les projets pour le futur, c'est de continuer, mais sur d'autres formes, alors c'est ça, c'est... Voilà, d'essayer de trouver de nouvelles idées de podcast. Vraiment, le podcast, c'est un truc qui me plaît, donc oui, voilà, je réfléchis sur des petits trucs. Et j'ai toujours aussi un scénario à écrire que j'avais commencé. Donc, De film ? De film, ou alors je le transforme en bouquin. En tout cas, c'est de la SF. Une histoire. Voilà, une histoire à écrire. Il y en a d'autres qui pourraient suivre aussi, mais voilà, je commence à préparer la structure de tout ça. Maintenant, faut écrire tout le truc, quoi. Donc, c'est la partie la plus compliquée. Profite du Covid. Moi, pour le coup, là, je suis désolé, bloqué. Moi, j'ai écrit beaucoup plus que j'écrivais avant. En fait, moi, le Covid, j'ai beaucoup plus bossé que d'habitude. D'accord, pardon. Ça cravache, okay, en fait. Donc, d'accord. Ouais. Donc non, je vais devoir prendre une pause aussi du travail, hein, je pense, un de ces quatre, ça suffit. Sarah Dunou sur le chat dit que le podcast Alien, c'est le meilleur. Bah, évidemment, elle a participé, c'est vrai. Très bon podcast, ça. Hein. Mais elle était là pour Buffy aussi, hein, et c'est parmi les meilleurs podcasts qu'on ait fait. Bah, c'est les plus longs, c'est parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. Et puis bah, on peut aussi te suivre sur Twitter où là tu donnes régulièrement ton avis sur les séries, sur les comics, sur plein de choses. Bah oui, toujours Friend My Screens du coup, mais ouais je, bah, Twitter j'y suis depuis presque le début du coup, mais oui je tweete toujours les films que je vois, que je revois aussi, et c'est toujours un plaisir de voir des gens qui débattent sur les trucs et dont j'ai pas envie de mêler parce que de toute façon il y a beaucoup de bêtises ou des gens qui commencent à s'énerver pour pas grand chose, mais voilà, j'ai juste donné mon petit avis et si ça plaît tant mieux quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions pour notre invité, messieurs? Moi je voulais parler des X-Men, mais on va pas faire encore un quart d'heure sur les X-Men. Bah tu peux, mais je coupe le montage. On en parlera après le podcast des X-Men. Okay. C'est quoi la suite, c'est Reaper? Ben la suite c'est Reaper, c'est le feuilleton. Le feuilleton de l'été. Le feuilleton du Covid. Oui, votre série audio, hein, vous savez bien que depuis quelques épisodes maintenant, on a lancé une série audio qui nous raconte la jeunesse de Tonton Jace avec ses amis dans les années 70. Sorciers amateurs dans les années 70 à Londres. Et aujourd'hui, on va écouter l'épisode 3. Attention. Avec des révélations sur Jace. Hein. Accrochez-vous à vos oreilles, à vos casques. C'est parti. Reaper. Épisode 3. Les limites. Sérieusement, j'ai toujours eu du mal à faire confiance à Phil. Dis pas ça, en vrai c'est un amour. Non mais t'es pas objective. Déjà au lycée, je lui faisais pas confiance. Il pensait pas à mal. Mais donc toi tu savais qu'il y avait des contreparties ? Oui, enfin ça dépend. D'après le bouquin, si tu jettes un sort, si tu fais un rituel ou que tu fais un pacte, c'est pas la même chose. Mais il y a toujours des contreparties. Mais toi, pour bien chanter du coup, c'est un sort, c'est un pacte, c'est quoi ? C'est un charme, ça a rien à voir. Ok, super. Non mais pour bien chanter, j'ai lancé le charme de la sirène, avec une contrepartie minime. C'est-à-dire ? Tiens, bah regarde ma jambe, j'ai par-ci par-là des écailles de poisson qui poussent. Ah, mais c'est dégueulasse. Oh, ça va, c'est rien. C'est un maigre coup pour réaliser mon rêve de devenir chanteuse. Ouais, j'ai un doute. C'est beaucoup moins grave que pour Ethan. Une petite fille qui te poursuit toute la journée avec un couteau de boucher, c'est clair que c'est un cran au-dessus. Mais bon, ça va aller, t'inquiète pas. Ethan a l'air d'être un mec courageux et puis il est avec Phil. Ouais. Donc il y aura pas de problème. Putain, Phil, au secours, putain. Elle essaie d'ouvrir la porte. Mais non, mais je la vois là, c'est bon, c'est rien. Mais merde, elle veut le buter, fais quelque chose. Non mais je la surveille, je te dis, c'est bon là, j'ai lancé un sort de vision, je peux la voir. Et là, elle est en train d'essayer de tirer la porte alors qu'en fait, faut la pousser. Complètement stupide, cette contrepartie. M'en fous, fais-la disparaître. Non mais, va fatigant. Je ne peux pas. Je te l'ai déjà dit, il faut attendre 24 heures. Ça va aller, t'inquiète. Ta gueule, Phil, c'est de ta faute. Tu m'as rien dit pour les contreparties. Bah, tu montes pas de curieux. Qui la surveille là, toute la journée, hein, tu vois? Salut. Et je crois qu'elle m'aime bien en plus, hein, tu vois. Coucou. Coucou, petite. Coucou. Quelle heure il est d'ailleurs? 18h30, t'as, c'est bon, t'as, c'est bientôt fini. J'en peux plus, j'ai envie de dormir, putain. Non, mais tu verras, c'est pas toujours comme ça la magie, hein. Et puis il y a plein d'autres trucs dans le bouquin, hein, tu verras. Ouais, j'imagine. Parce que là, c'est la première fois, donc c'est toujours un peu. Tu vois. Et si j'ouvre la porte et que je lui pète la gueule? Je suis pas sûr de ça, Ethan, par contre. Elle ressemble à une gamine, ok, mais c'est un démon. C'est très ancien, potentiellement très très balèze et immortel. Ouais, d'accord, c'est pas une bonne idée. Non, je pense pas. Mais relax, hein, là, elle est coincée, là. Faut juste attendre. Je t'avoue, ce qui m'a attiré chez Phil au départ, c'est son bouquin. Mais après, j'ai appris à le connaître. C'est un type bien. Et donc, vous avez déjà lancé plusieurs sortilèges? Ou charmes, comme tu veux? Tu sais, c'est avec 3 mois que je le connais. Hein. On n'a quasiment rien fait. Le charme de la sirène, un pacte avec un grand couturier fantôme pour me faire une nouvelle garde-robe. Mais ça, c'était gratos niveau contrepartie. Et oui, un dernier sort pour faire des trucs sexuels avec Phil, mais bon, ça... Non, je veux pas savoir. Voilà, donc pas grand-chose. Mais j'ai très envie d'aller plus loin. Et c'est quand même plus rassurant maintenant qu'on est 4. Mais je suis pas avec vous, moi. Quand on s'est rencontrés, tu disais que tu connaissais un peu la magie. Un peu, oui. Développe. C'est familial. Un soir, je devais avoir 12 ans. J'étais censé dormir, mais j'ai surpris mon père avec ses amis. Ils discutaient de magie, de prophétie, d'une fille qu'ils appelaient la tueuse. Je comprenais rien. Ouais, tu m'étonnes. Et un peu plus tard, avec mon cousin Owen, on est tombé sur des vieux livres, des grimoires, dans le bureau de mon père. On a lu des passages... Et j'ai réussi à créer une flamme, comme ça, à partir de rien. Je me souviens encore très clairement que Owen a fait léviter un crayon. Mais c'est dingue! Et donc t'as pratiqué? Non, ma mère nous est tombée dessus et on s'est pris une bonne claque. Après ça, j'ai grandi et j'ai oublié. Jusqu'à ce que Phil nous en parle. Alors que tu le veuilles ou non, tu es des nôtres, le plus ancien d'entre nous. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, tu veux qu'on remonte? La petite doit être partie maintenant. Ok, Ethan, c'est bon, tu peux sortir. Elle a disparu, là, la gamine, donc normalement, t'es plus invisible. C'est bon? Tu me vois? Bah non, toujours pas. Et en plus, maintenant, il y a un troll barbu, là, juste derrière toi! Quoi? Mais non, je te vois, bien sûr, je te vois, je rigole, c'est bon. C'est une blague. Putain, Phil, je te déteste! Mais non, tu m'adores. Est-ce qu'on attend les autres ou on essaye un nouveau truc tous les deux? Maintenant? Attends, mais 2 secondes, je suis crevé là. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Mais... Et en plus, c'est dommage parce que du coup, t'en as pas du tout profité en fait de l'invisibilité. Bah non, c'est con, hein. La faute à qui? Bah, t'aurais pu. Moi, je te dis, je la surveillais la gamine, donc tu pouvais aller faire des trucs si tu voulais. Hein. Non, mais avec toi et un démon taré dans mon dos, non merci. Ouais, je sais pas. Oh putain, regarde! Regarde là dans le livre. Il y a un truc pour voler là. Ça doit être dingue de voler, non? Quoi, voler? Sérieux? Putain, je vais essayer ça. Bah, tu vois, je te l'avais dit, c'est génial ce truc. Quand on commence, on a plus envie de s'arrêter. Ah, bah Ethan! Bah voilà! Content de revoir ta tête de con. Ça va, Ethan? Alors, elle est partie? Ouais, il semble rien. Edith, ça vous dit de voler? Quoi? Encore un tour de magie? Mais ça t'a pas suffi? Mais c'est pas toujours comme ça. Combien de fois faut que je vous le dise? J'avais zappé la contrepartie. Ah, c'est bon, on oublie. Maintenant, on peut voler, hein? Page, ma chérie, je t'envoie au 7ème ciel. Vous êtes lourd. Ah, si on peut voler, il y a forcément la téléportation ou quelque chose dans le genre, hein? Oui, mais il faut qu'on se contrôle, vous croyez pas? Se contrôler, c'est-à-dire? Eh bien, on pratique de la magie, mais on se fixe des limites. Oui, pour éviter les problèmes. Genre, Ethan poursuivi par une petite fille. Oui, bon, bah ça va. C'était un démon, ok? Par exemple, on se réunit une fois par semaine pour lancer des sorts, on s'est bien préparé avant, mais on utilise le livre que tous les quatre ensemble. Ouais. Ça me plaît, ton idée. Vous en dites quoi? Je dis que c'est un peu con, mais bon, si ça peut vous rassurer... Juste, on fait pas n'importe quoi. Je suis d'accord. Pareil. Alors c'est vendu, genre on fait un pacte et tout. Ah ouais, et on s'appelle le Big Book Club. C'est quoi ce nom de merde? Ouais, c'est un peu pourri, non? Est-ce que le nom Big Book Club est pourri? Nos héros vont-ils respecter les limites qu'ils se sont fixées? Rupert a-t-il vraiment tout raconté à Paige sur le passé de son père? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Ripper. Excellent cet épisode. Ah bah encore mieux que celui d'avant, non? Les épisodes sont de mieux en mieux, j'ai l'impression. On a prévu de faire du mieux en mieux, hein. Encore heureux. Oui, alors sur Reaper, n'hésitez pas à réagir, à nous donner vos avis sur les épisodes, sur la série. On prend tout, hein, les critiques, il faut qu'on s'améliore. Hein, dites-nous des indications. Est-ce que vous êtes content de découvrir un peu le passé, les origines de Giles? En plus, c'est canon. Hein. C'est totalement canon. Officiel, hein, c'est Oli qui est plus de portes éventuellement. Ça manque de portes. C'est vrai, il y a un petit bruit de porte. Ça marche toujours. Il y en aura dans le prochain. En plus, il y a de l'action dans le prochain. On a hâte. Il y a aussi des nouveaux personnages. Enfin, ça va être cool. Donc, ouais, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la série. Là, si je regarde mon conducteur, il y a la rubrique de Clément. Est-ce que Clément, vous avez quelque chose? Alors, non, parce que j'étais pas très bien ces derniers temps. Donc, voilà. Mais je recommanderais peut-être juste une chaîne YouTube. Ça n'a pas grand chose à voir avec Buffy, pardon. Mais ah, bah, il faut. C'est une petite roco. Allez, c'est parti. Jingle de Clément. Hi, I'm Clement. We met once before. Yes. Yes, we did. Voilà, et ben non, mais je vais décevoir tout le monde, j'ai rien de aujourd'hui, malheureusement j'ai pas eu le temps de faire, enfin je devais faire rire puis j'étais très malade. Donc non voilà, je vais juste vous recommander une chaîne que j'ai découvert il y a pas très longtemps, ça s'appelle Captain Popcorn, je sais que c'est très connu, voilà, oui. Mais j'avais un petit a priori en fait et finalement il dit des trucs bien, hein, ouais. Je le trouve très sympathique et les analyses sont très fouillées, c'est propre, c'est carré, le mec est marrant, voilà, n'hésitez pas à aller voir. La rubrique si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. On est prêt? Conclure, tout à fait. Allez, jingle. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Why can't you just masturbate like the rest of us? Riley, est-ce que vous avez un site thème Buffy? Tu vas aimer ça. Oui, moi j'ai vu un film qui est un peu en rapport avec le thème du jour, hein, le foyer, et qui est aussi un personnage féminin fort, en tout cas en personnage principal. Ça s'appelle I Don't Feel At Home In This World Anymore. Est-ce que vous l'avez vu ce film? Non. C'est un film de 2017, écrit et réalisé par Macon Blair, et avec Melanie Lynskey et Elijah Wood. Eh oui, le petit Frodon Sacké. Et ça vous dit rien du tout? J'ai pas vu le film, non. Et ben je l'ai vu sur Netflix. Mais je vous le conseille parce que c'est un petit film très sympathique. Ah non, pas de la saloperie de Netflix. Non, mais je vous dis pas. Enfin, je parle du film, pas de la plateforme. Et donc c'est l'histoire d'une infirmière timide et qui est peu sûre d'elle-même. Qui en fait, après s'est fait cambrioler sa maison au début du film, va se sentir un peu comme violée finalement. Pareil, on est rentré dans son foyer. Et elle va se mettre en tête, vu que la police est évidemment impuissante, de retrouver les voleurs et récupérer ses affaires. D'accord. Pour ça, elle va s'associer avec un de ses voisins qui est Elijah Wood, qui est lui aussi en fait peu sûr de lui, qui est un tout petit gringalet qui essaye de faire des arts martiaux, donc il a un nunchaku et tout. Il a un rôle vraiment. Mais en même temps, il est hyper timide, il a trop peur d'elle et tout. Alors qu'elle-même déjà a peur des autres personnes. Une bonne équipe de winners donc. Et ils vont, c'est ça le film en fait, ils vont se mettre en quête de retrouver ces cambrioleurs et ces objets. Et on va aussi découvrir en parler que eux-mêmes, les gens qui ont volé, sont peu sûrs d'eux-mêmes. Eux aussi, en fait, sont inadaptés au monde dans lequel ils sont. C'est tout le sujet du film. Et que même au sein de son foyer, enfin, ce qui reste encore de propriété privée pour elle disparaît. Que même elle n'a plus aucun refuge et elle ne se sent plus du tout à sa place dans ce monde. C'est tout le sens du titre. Et c'est très très bien illustré dans le film, très bien montré. Et je vous raconte pas ce qui se passe, mais c'est en plus surprenant, c'est très marrant. C'est plutôt bien fait, c'est un premier film, mais il y a un esprit un peu Edgar Wright dans la mise en scène. Mmh. Genre par exemple, ces fameux montages cut de Edgar Wright quand il se passe plein de trucs. Et il y a ce genre de montage. C'est plutôt cool, pour les fans de Buffy, je pense que ça peut plaire. Tu nous rappelles le titre? I Don't Feel At Home In This World Anymore. Mais merci beaucoup Riley pour ce site Buffy, tu as aimé ça? Fred, est-ce que vous avez un site à Buffy qui va aimer ça? Moi, je pense tout de suite aux Astonishing X-Men de Joss Whedon. Ah oui, justement. Ah oui. Logique. Quand on aime Buffy, quand on aime Whedon, son travail et tout, et les X-Men en plus, on ne peut que aimer. Et forcément, dedans, ouais, il s'attarde beaucoup sur Shadowcat, qui est le personnage qui est un peu à l'origine de Buffy quand même. Donc c'est hyper intéressant et en plus c'est super bien dessiné par John Cassaday, donc voilà, faut donc profiter. On rappelle parce que oui, nous on connaît, on a lu, mais pour ceux qui connaissent pas, donc c'est des comics, c'est un gros run de vraiment toute une période qui a été scénarisée par Joss Whedon sur les X-Men quoi. Et on retrouve tout ce qui fait la patte de Joss Whedon dans un comics, quoi. C'est tous les dialogues, tout la, ouais, la personnalité des personnages, justement, c'est du pur Whedon, ouais. Et puis il y a un vrai esprit, ce qu'on voit déjà, Scooby Gang et famille, mais pareil, là, les X-Men c'est déjà ça, mais là il arrive à rajouter des liens, puis il prend le point de vue, comme tu disais, de Shadow 4, de Kitty Pryde, et il en fait une sorte de Buffy, quoi. C'est brillant, surtout, et la fin est absolument géniale en plus. Oui, mais tout le run est génial de toute façon. Tout le run est génial. Il y a rien à acheter. Bah, c'est disponible chez Panini, je pense. Oui, enfin, ouais, ils avaient ressorti l'intégrale en deux gros volumes, qui était vraiment abordable en plus. Donc voilà, je sais pas si c'est encore dispo, mais faut en profiter si on le trouve. Alors, je vais donc vous parler, moi, d'un livre Buffy. Je montre la caméra. Ah, encore un. Toi, tu les enchaînes. Hein. Et c'est La Tueuse Perdue, donc de Christopher Golden. La Comic Con. Pardon, ça vous dérange? Pardon, oui, on faisait un truc plus intéressant. Moi, j'ai écouté. Pardon, oui, excuse-moi. Donc, La Tueuse Perdue de Christopher Golden. Rappelez-vous, Christopher Golden, on en a déjà parlé plusieurs fois. Il a écrit plusieurs choses pour l'univers de Buffy, donc déjà plusieurs romans et des jeux vidéo aussi. Alors, La Tueuse Perdue, ça parle de dystopie. C'est une dystopie dans l'univers de Buffy. On retrouve nos personnages adorés, hein, mais en mode réalité alternative. Hein. Tout le monde est là, Willow, Giles, Xander, Spike. Même Drew, et bien sûr Buffy, hein, mais ils sont tous, ils ont tous des rôles auxquels on ne s'attend pas du tout. Tout commence par l'arrivée en ville d'un dieu chauve-souris au nom imprononçable, et les premières pages sont un peu barbantes, et l'intrigue compliquée. En plus, il y a l'ajout d'un fantôme de tueuse et d'une prophétesse qui voit l'avenir. Le fantôme de tueuse, il est pas mal, il revient dans d'autres romans Buffy. Mais bon, on n'y comprend pas grand-chose dans ces premières pages, c'est très compliqué. Et à un moment donné, il y a une idée de génie. Il y a une ellipse, et on se retrouve 5 ans plus tard, dans un monde où les vampires ont gagné la partie. Et là, c'est beaucoup, beaucoup plus cool. C'est là qu'arrive la fameuse dystopie dont je vous parlais. Donc on est en mode fin du monde, en mode The Wish un petit peu, vous vous rappelez cet épisode fou de saison 3 avec Cordelia qui souhaite un Sunnydale dans lequel Buffy ne soit jamais arrivé. Bah là c'est un peu ça, les vampires ont gagné et ils ont établi une sorte de royaume des vampires, enfin c'est complètement fou avec ce fameux dieu chauve-souris, enfin il y a plein de choses, c'est un peu le bordel. Et donc comme je disais, Christopher Golden, il a quand même des apports non négligeables dans le Buffyverse, avec notamment le jeu vidéo auquel on avait joué pendant le premier confinement, et donc comme dans Cosbin, merci de le rappeler, comme dans toutes ses œuvres, Christopher Golden en rapport avec Buffy, il n'a pas le niveau de Joss Whedon évidemment, mais le moins qu'on puisse dire c'est que il fait des choix très très osés. J'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais il se passe des choses assez marquantes. Il va maltraiter les personnages qu'on aime bien, vraiment gaiement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui lui permet la forme du roman. Évidemment, c'est tout l'intérêt d'un roman comme ça, de La Tueuse Perdue, c'est qu'il se passe des choses très clairement qu'on ne pourrait pas mettre en scène dans un épisode de série télé. Ça demanderait beaucoup trop de moyens, beaucoup trop de... Et ou alors ça serait cheap et tout. Mais là, dans un bouquin, ça passe bien. Et au contraire, ça donne une ampleur au récit complètement géniale. Et comment ça se passe au niveau de la forme, donc on va alterner les chapitres dans le présent et les chapitres 5 ans plus tard au moment où les vampires ont gagné, et ça rend la lecture passionnante. On ne s'ennuie pas une seule seconde, ça rend le récit très nerveux et plein de suspense, quoi. On veut vraiment savoir ce qui va se passer, et voilà. Et j'ai eu un grand grand plaisir à lire ça, j'ai lu ça très très vite, et c'était très cool. Bon écrivain, ce mec. On aime beaucoup Christophe, très bon, je dirais pas jusque là parce que toujours pareil, c'est pas la grande littérature. Non mais je le dis à chaque fois, mais voilà, c'est jamais la grande littérature, mais là au moins la construction du récit et ce qui se passe est vraiment palpitant, et d'imaginer nos personnages dans cette situation parfois apocalyptique, c'est vraiment super super à lire. Donc La Tueuse Perdue, cool. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? Et non, malheureusement moi joyeux Noël, j'ai envie de dire, et bonne année. C'est ça qu'on a envie d'ajouter. Je crois qu'on peut. Et surtout la santé. Clément. Clément qui est donc devenu tout vert depuis tout à l'heure. Clément, tu nous as pas raconté ton test Covid. Ça s'est bien passé? Très bien. Tu mets la tête en arrière et on te met une tige de 5 cm, voire plus, pendant 5 secondes qui paraissent être. Dans le nez. On te la met dans le nez, ouais. D'accord. mais on te la met pas dans, que dans le nez. C'est-à-dire qu'on va chercher derrière. Derrière le nez. Derrière, ça va. Qu'est-ce qu'il y a derrière le nez? Mais je ne savais pas qu'il y avait des choses, figure-toi. Et bah, le mec, il a, et puis il tourne, et il me prend la tête comme ça, parce qu'il me dit, voilà, vous allez retenir rien, donc je vous tiens la tête comme ça, et je vais avancer. Mais t'es tombé sur un mec dans le nez. Non, il a été très cool, mais j'ai dit, mais je vais avoir mal. Il me fait, oui. Mais rassurez-vous, je vous tiens la tête. En gros, c'est ça qu'il m'a dit. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a tourné, et puis ma foi, un quart d'heure plus tard, j'avais le résultat. Ah, bah cool. Bon, je garde le masque parce qu'on sait jamais. J'ai pas le Covid a priori, non. Moi, c'est bien. Donc bah, on est rassuré. On a commencé le podcast en te faisant des gros bisous, en te souhaitant de te remettre. Et ben ça y est, ça a été exaucé. Vous avez été vachement efficace, les mecs. Je suis guéri, quoi. On va faire des gros bisous distanciels, évidemment, à tous nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été là en direct avec nous. Comme vous l'avez dit, on va vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes, même dans cette ambiance particulière. Prenez soin de vous. Essayons de s'amuser à distance. On peut regarder Buffy. On peut regarder Buffy, bien sûr. Regarder l'épisode de Noël, saison 3. Oui, c'est l'occasion de faire un marathon. Hein. On peut faire des choses comme ça. Avec mais on a quand chaud. Même hâte qu'on puisse se retourner dans les bistrots. Oh putain. Bah, oui. Oh, moi ça commence là, je oh la pesant, vache. Hein. Putain, ça fait longtemps. Donc on vous fait des gros bisous à tous et gros on bisous. Merci beaucoup Fred d'avoir été merci. Venu. Merci, Fred. Bah, merci à vous, c'était cool. Chouette. Et on se retrouve en 2021 pour de nouvelles aventures. Pour l'épisode 50. Ouh là là là. Ça sera l'épisode 50 du podcast. Ouf. C'est ben, c'est peut-être fait, même ça. Le 100, hein. On sait jamais si on en fait 50 l'année prochaine. Il y a peu de chance. Il y a très peu de chance. D'accord. Et des gros bisous à tous. Bisous. Salut. Salut. Salut. Salut.